she came for. Lightning strikes every time she moves. Bienvenue sur Virgin Radio, le warm-up est de retour demain dès 5h et Camille, lui, il arrive dans un instant. Il y a des gens qui sont contents. Virgin Radio. En écoutant Virgin Radio ce matin, vous avez 10 fois plus de chances de retrouver la vaisselle rangée en rentrant tout à l'heure à la maison. Essayez, vous verrez, ça marche peut-être ou pas. Camille arrive dans un instant avec votre loyer à gagner, ce sera dès 6h20. Vous inscrivez dès maintenant, loyer, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Avant de retrouver Camille, on va plonger au cœur de la rédac de Virgin Radio, faire un point complet sur l'actu en France et à travers le monde aussi. Grâce à Tristan Sarah, on commence par la météo. Oui, bonjour. Merci. Robin, bonjour à tous. Et 7 départements en alerte orange aux inondations ce matin. En Ile-de-France, en Normandie et en région centre, le temps qui va tourner à l'orage au fil de la journée. Avec de la grêle attendue sur le nord-est, du soleil sur l'Atlantique et la Méditerranée, 21 degrés en moyenne pour cet après-midi. Encore 3000 foyers privés d'électricité hier soir en région parisienne. Le niveau de la Seine continue de baisser. Le dernier pic de crue est attendu ce mardi dans l'Essonne. Les inondations qui auront fait 4 morts et des centaines de millions d'euros de dégâts. Manuel Valls a annoncé hier un fonds d'extrême urgence pour les sinistrés ayant tout perdu. L'incendie d'un immeuble hier soir à Saint-Denis, près de Paris. Au moins 5 morts et 2 personnes grièvement blessées, auxquelles s'ajoutent 9 blessés légers, dont 3 pompiers. Les recherches se poursuivent dans les décombres. Pas d'informations sur l'origine du sinistre. La suite du mouvement social à la SNCF, encore des perturbations sur les rails ce mardi. 2 TGV sur 3 en moyenne et 6 TER sur 10. Autre menace, celle des pilotes d'Air France qui ont déposé des préavis de grève à partir de samedi. L'intersyndicale appelle à une grande manif nationale mardi prochain, le 14 juin à Paris. 54% des Français se disent opposés à la poursuite des mouvements sociaux. L'arrestation d'un Français de 25 ans en Ukraine, il a été interpellé en possession d'un arsenal de guerre. Les enquêteurs ukrainiens assurent qu'il prévoyait une quinzaine d'attentats en France à la veille et pendant l'Euro de football qui débute vendredi. Des attaques qui auraient visé une mosquée, une synagogue et des centres d'impôts. À propos d'impôts, justement, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour déclarer vos revenus sur le site impots.gouv.fr. Plus de 15 millions de télédéclarations cette année, c'est une première. Parmi les avantages de la déclaration en ligne, le fait de connaître immédiatement le montant de votre impôt. À l'étranger, c'est bien Hillary Clinton qui devrait être la candidate démocrate à la prochaine présidentielle américaine. L'ex-première dame a été déclarée gagnante des primaires par les médias. Son challenger Bernie Sanders conteste et assure que rien n'est encore fait. Chacun attendra de connaître les résultats de ce nouveau Super Tuesday. Les basketteurs alsaciens à une victoire du sacre. Strasbourg a surclassé Villeurbanne hier 73-61 lors du deuxième match de la finale de la Pro A. Le titre se joue au meilleur des 5 rencontres en menant la série 2-0. Les Alsaciens n'ont donc plus qu'un match à gagner pour être sacré champion de France, peut-être dès jeudi à Villeurbanne. À 3 jours du coup d'envoi de l'Euro de football, le lancement aujourd'hui de BFM Sport, une nouvelle chaîne d'infos purement sportive accessible aux 6 millions de foyers abonnés SFR ou numéricables. Des JT Sport toutes les 30 minutes et des reportages dans les coulisses des grands tournois, à commencer bien sûr par l'Euro. Match d'ouverture, vous le savez, ce sera France-Roumanie, vendredi soir 21h à Saint-Denis. Et puis Zlatan Ibrahimovic qui devrait dire aujourd'hui où il jouera la saison prochaine. Ce devrait être Manchester United avec un contrat d'un an. Salaire estimé un peu plus d'un million d'euros par mois, comme Robin. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Très bon réveil. Bonjour à tous, je suis Aurélie de Soissons, nous sommes le mardi 7 juin et aujourd'hui, nouveau look pour une nouvelle vie. Cet après-midi, je vais me faire les cheveux à la garçonne. Wow, je déclare l'émission ouverte. Bonjour la France. Bonjour. Et vous savez que si garçonne t'enlève la cédille, ça fait garçonne. Ma petite Aurélie, je suis ravie de t'entendre ma chérie, comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Je suis très heureux de démarrer cette matinée avec toi, ma belle, ma petite Aurélie. Vous inscrivez sur Facebook, vous êtes le premier auditeur du matin. Bien sûr, vous êtes le premier auditeur du matin. Bien sûr, je suis très heureux d'avoir aussi de retrouver l'équipe. Salut! J'arrive tellement au dernier moment, on se dit bonjour, mais au moment où là, hein, vraiment, c'est un vrai bonjour. Hein, c'est pas en temps réel. C'est en temps réel que je redécouvre toute l'équipe. Il y a Clément, bien sûr. Salut, c'est qui tout double, hein, la coupe à la garçonne? C'est-à-dire que soit t'as un beau visage, c'est super, soit ça te ruine, même si t'es très belle avec les cheveux longs. Moi. Oui, c'est ce que je disais. Ah ouais. J'ai une photo, ça m'allait hyper bien. Je vais vous la montrer. Eh bien, alors, on va pas nous la montrer. On va la mettre sur le Facebook avec de l'émission. Plaisir. Exactement. Hashtag MacGyver. Hashtag coupe garçonne. On va voir ça, bien sûr. Laure est ici aussi. Ça se passe bien. Salut. Le nouvel appart? Bah écoute, ça se passe bien. À part que j'ai des bleus de partout. Les portes de placard dans la tête. Je n'ai aucun repère. Je me corrige. Je n'ai aucun repère. Oh là là là. Il y a une campagne magnifique d'ailleurs, hein, qui est en ce moment partout en France. Je ne supporte pas les bleus, avec Raymond Domenech notamment. Et donc on a l'impression, donc pendant 2-3 jours, il s'est fait incendier sur les réseaux en mode tu te prends pour qui ça. Mais évidemment, le message c'est je supporte pas les bleus faits aux femmes. Contre la violence faite aux femmes, bien sûr. Vous vous rendez compte, je ne veux pas dire de bêtises, ils ont donné le chiffre. Il y aura une dizaine de femmes qui vont tomber sous les coups de leur mec pendant l'euro. C'est incroyable. Donc voilà, c'est une belle campagne. Oui, ma Pauline, au standard. Il y a une fille, c'est génial, ça fait vachement le buzz. En fait, elle s'est prise en photo tout le temps où elle était battue par son mec. C'est la meuf de Johnny Depp. Non, il n'a jamais fait ça. Okay, Vanessa l'a défendue. Vanessa Paradis. Et sa fille. Et sa fille aussi, bien sûr. Mais donc elle s'est pris. Et donc elle s'est pris en photo tous les jours. C'est terrible, mais c'est super parce que ça fait réagir plein de femmes. Et elle s'en est sortie en plus. Donc, très bien. Oui, Clément. Et Benzema a rejoint la campagne ou vraiment il supporte pas les bleus? Je sais pas. Pauline est là. Vous l'avez entendu. Coucou. Le 39-16 pour nous joindre. N'hésitez pas ce matin plus qu'un autre encore puisqu'on a des séjours au parc Astérix à vous offrir. Des séjours pour le Axbot Festival. Ça va être là. Hein. Avant 7h déjà, vous gagnerez vos places pour aller vous éclater sur la plus grande soirée de tout l'été. Hein, ça fait des années qu'ils font ça, on rêve tous d'y être dessus. Le Axbot Festival en plus cette année. Et des invités dingues. Aurélie, tu aimes Breakbot? Ah bah moi j'adorerais. Et ben, si tu t'inscris, c'est à Nice hein, cette année que sera le boat de Axe. Avec donc les Breakbot que vous pourrez applaudir sur scène. Fédère, ils vont faire un concert de dingue. Hein. Fakir, découvert chez nous, il sera aussi sur le Axbot Festival. Lilywood and the Prick. Les casseurs flotteurs, Cassius et Mark Ronson. Mark Ronson sera sur le Axbot Festival, c'est énorme et vos places sont à gagner dès maintenant au 39-16, Popo. Oui, je voulais dire merci à Lilywood and the Prick parce que j'ai une copine qui a monté une petite marque de fringues et ben, grâce à eux, elle est un peu connue parce qu'ils portent ses fringues. Ah, ils sont gentils comme tout. Ils sont trop sympas. Ah, vraiment, ils sont adorables. Donc voilà, ça c'est à gagner. J'ai un séjour en Guadeloupe aussi à vous offrir. Oh, bien. Tous les matins. Ah, ben tous les matins, un tiré au sort. Déjà, il part avec une GoPro, ce qui est génial. Et en plus, ça lui donne une chance sur quatre d'être le grand gagnant ou la grande gagnante. Vendredi matin en direct de ce séjour dans un hôtel 4 étoiles pour une valeur de plus de 5 000 €. Tu te rends compte, Aurélie? Oh bah attends, j'appelle. Tu pars en Guadeloupe demain, tu pars avec qui, Aurélie? Ah bah je pense que je pars avec mon mec hein, quand même. Ah bah t'es obligée. Si je pars avec le voisin, il sera peut-être pas content mon mec. Ah bah là ça va mal passer évidemment. Oui, Pauline. Et tu sais qu'en Guadeloupe, il y a le concours de Miss Gras Double l'été. C'est quoi? Bah c'est justement les filles qui assument complètement le fait d'être rondes et plus elles ont de la cellulite, plus elles sont aptes à gagner le concours. Ouais, bah, fini 3e moi Léna. C'est le défi les maillots qui t'aiment. Ouais, je suis pas mannequin. Moi. Bah oui. Mais c'est il y a aussi ça tous les ans en France, il y a le concours Miss Ronde. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais, mais nous enfin même en France, on passe notre temps à se battre contre la cellulite et là-bas, elles sont hyper fières. Eh ben bien sûr. Eh ben vous avez bien raison les filles. On va écouter Mom dans un instant, je voudrais vous rappeler aussi. Vous imaginez, ça fait 5 minutes qu'on est là, j'ai même pas le temps de vous dire tous les cadeaux qu'on a à vous offrir. Puisqu'il y a un loyer aussi à gagner, c'est toutes les heures 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Premier tirage au sort déjà dans quelques minutes à peine. Et là, c'est par SMS que ça se passe. Loyer au 7, 12, 13. Et puis mercredi matin, demain, émission en direct et en public, mais un public rempli d'enfants. Vous avez entre 6 et 10 ans. Vous serez avec nous, plus de 50 enfants qui feront l'émission avec nous. Ça va être génial. Quand je dis ça, c'est pas juste avoir un public d'enfants. Ils feront vraiment l'émission avec nous. Ils auront un micro, ils pourront intervenir, ils pourront chanter. On fera plein de choses. On va célébrer les enfants demain, donc en direct dans le Virgin Tonic. C'est vraiment une émission à ne pas louper en public. Tu seras là, Aurélien? Ah bah oui, ça va être trop chou. Eh ben on espère, on compte sur toi. Je t'embrasse très très fort ma petite chérie. Gros bisous. Bisous à toi ma belle, merci d'avoir démarré cette émission. Nous on est là en tout cas jusqu'à 9h30, on vous lâche pas. Un bon courage à tous ceux qui ont bossé toute la nuit. Un courage à ceux qui ouvrent encore tout juste les yeux. Il y a encore plein de régions qui sont pénalisées. T'es bien embêté avec toutes ces inondations et puis ces grèves. On vous souhaite beaucoup de courage, on pense à vous. On l'a fait pour vous cette émission. Mom, Aloha, voilà ce qu'on écoute, excellent réveil à vous. Aujourd'hui, j'espère que ça va. Les collégiens, les lycéens, on est à 8 jours du bac et de, je sais, hein, voilà, beaucoup de révisions en ce moment, selon les cursus, les BTS, tout ça. On vous souhaite beaucoup de courage. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une info qui est intéressante là-dessus. Oui. Je l'ai trouvée sur le site de 20 minutes au Japon. Un homme de 96 ans vient de rentrer dans le Guinness Book des records. C'est le plus vieux diplômé au monde. Magnifique. Oh, wow. Après, c'est quoi? C'est un vrai diplôme ou c'est genre le diplôme du meilleur papy? Non. Vrai diplôme. Diplôme en art céramique à l'université de Kyoto. Et il espère vivre jusqu'à plus de 100 ans pour passer encore d'autres diplômes. C'est magnifique. C'est génial, c'est franchement. C'est magnifique. Laure. Moi, ma sœur a 42 ans. Elle a repris ses études. Je trouve ça génial de faire ça. Ouais. Sérieux? Ouais, elle est devenue psy. Elle a repris ses études. Elle a fait. Elle est psychanalyste aujourd'hui. C'est long, c'est 5-6 ans. C'est 3 ans. Et là, elle fait une dernière année pour, je sais pas, une spécialité ou un truc. Mais non. Ouais, c'est vrai. Et elle a changé de vie. Et c'est génial. Si vous reprendriez vos études, vous feriez quoi, Clément? Moi, psycho, ça me plairait bien, moi, parce qu'il y a plein de filles à la fac. Et puis, il y a un côté, après, tu restes sur le canapé, tu discutes. Moi, j'aime bien, ça me plairait vraiment. Pauline? Moi, chirurgien. J'ai pas du tout peur du sang, j'ai pas du tout. J'adore, je rêve de découper un corps. Ouais. Mais c'est les patients qui auraient peur de nous. Je rêve de découper un corps. Je crois que tu es en série, il n'y a pas besoin de diplôme. Hein. Ah non, il n'y a pas besoin. Non, non, il n'y a aucun besoin. Laure, tu ferais quoi, toi? Bah, elle m'a piqué mon truc. Moi, je vais être neurochirurgien. Enfin, un peu tard, mais on sait jamais. C'est un peu. Tu sais pas. Bah alors, bah, ouais. Tu sais quoi, tu vas avoir beaucoup de temps libre l'an prochain, Laure. Donc, on sait jamais. Tu sais quoi, en alternance, en accéléré, ça peut fonctionner pour toi. Jane, comme voilà ce qu'on écoute tout de suite. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Salut, c'est Jane dans Virgin Tonic. Virgin Tonic. I'm so alone without you, boy. Today and now I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions, walking on the sky of my dreams. Come, come, my baby, come, I'll reach you to work. My love, I just feel so lost without you, boy. I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Living in this day of my mind. Come, come, my baby, come, I'll reach you to work. Aujourd'hui, le 7 juin, excusez-moi, pas encore mercredi quand même, tout début de semaine, on est à vos côtés. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, voilà ce qui arrive dans un instant. Et puis un loyer à gagner, oui, dès 6h20, des cadeaux magnifiques chez nous. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Excellent réveil, on vient dans un instant, bougez pas. Salut, moi c'est Cassandra, j'ai 10 ans et j'ai piqué les clés de Virgin Radio. Alors je vous préviens, Camille Combal et tous les autres, les enfants prennent le pouvoir sur Virgin Radio. Rendez-vous demain, dès 6h sur Virgin Radio. Pour 3h de direct, juste pour les enfants. Ça va envoyer du lourd, Virgin Radio. Pop, rock, électro. Je suis fier d'avoir eu le meilleur taux pour mon crédit conso. C'est quoi ces photos dans le salon? T'as remplacé notre photo de mariage par des photos de toi à la banque postale. Toi devant le bureau de poste, toi en selfie avec un conseiller. Normal, à la banque postale j'ai trouvé le meilleur taux pour notre crédit conso. Alors oui, j'en suis fier. Le meilleur taux? Oui, je te le garantis, j'ai eu le meilleur taux. Mais en fait, il est pas mal ton conseiller. Jusqu'au 25 juin 2016 à la banque postale, profitez d'une offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux et projets. Pour plus d'informations, renseignez-vous vite en bureau de poste sur labanquepostale.fr ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La banque postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale Intermédiaire de Crédit du Prêteur. Soche présente. Et tu sais quoi, je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez. Ben Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non mais là, c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Ah super, j'ai passé chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Rapport ARCEP 2015, promotion.

Évidemment qu'on vous rappelle en direct, c'est toutes les heures 6h20, 7h20, 8h20 et 9h24. Ouais, 9h24, c'est vrai, on est toujours un petit peu en retard. Mais on est moelleux. On est moelleux. Bah, vous répondez Virgin Radio, c'est tout simple, c'est moelleux. Et vous gagnez votre cadeau. Allô, qui est là? Oui, c'est Charlotte. C'est Charlotte? Oui. Charlotte ou Carlotte? Non, Charlotte. Charlotte, bien sûr, mais on s'empêche pas de t'appeler Charlotte, tu restais quand même moelleuse comme tout, bien sûr. Elle vient d'où, Charlotte? Elle vient de Laval. Laval, bien sûr, c'est une belle région, Laval. Ah oui. En voilà une région moelleuse. Bah, bien sûr, Laval, pays de la Loire. La Mayenne. Sûr, la Mayenne. Charlotte, quelle est la seule radio un petit peu moelleuse comme ça qui t'offre ton loyer, c'est toutes les heures? Je crois que c'est Virgin Radio. Bien sûr, Charlotte. C'est pas possible. Tu fais quoi dans la vie, Charlotte? Je travaille pour des robes de mariée. Oh. Tu fais des robes? Ouais. Génial. Bah, attends, ça intéresse Laure, elle va bientôt se marier. Ah, c'est vrai. Ah bah, hé, Laure, viens dans nos magasins, on va te faire un bon prix. Hein. Ah, pour un bon prix, bah, elle vient à Laval. Ça m'intéresse doublement, alors. Ah bah, elle vient son voyage SNCF. On a des magasins à Paris, hein. On a des magasins à Paris, hein. Non, mais nous... Non, mais attends, sérieux, tu sais qu'elle cherche vraiment. Bah oui. C'est vrai? Ouais. Ah mais moi, mais pas de problème, moi je finance. Ah non, attends, je m'engage. Tu m'offres la couronne. Ouais, oh. Ah bah ouais, pas de problème. Non mais tu sais qu'elle est... Sans souci. C'est quand tu te maries, Laure? Le 11 septembre. Normalement. Ah, mais bon, tu choisis ta robe ou pas? Non, elle n'a pas encore choisi sa robe. Elle a même pas choisi son mec. Non. Non, mais Charlotte, tu sais que Laure, pour une réduction, elle est capable de faire du placement produit au mariage. Bah, je suis capable. Ça, je sais. Ah, bah non, mais attends. Je jure, fidélité. La radio tous les matins. C'est quoi c'est quoi ta marque? Pronuptia. Pronuptia. Bah. Eh bien, je jure fidélité avec Pronuptia jusqu'à la fin des jours avec Pronuptia, bien sûr. Évidemment, toutes les tailles disponibles en magasin et sur pronuptia.fr. C'est un oui, Juju. Elle est capable alors pour ça. Hein. Mais c'est un oui, Pronuptia, Juju. Bah, bien sûr. Ma Charlotte, je te fais des bisous. Il est de combien ton loyer, ma belle? 1460. Eh bien, écoute, on est ravis. Tu seras notre première gagnante de la matinée. Eh bien, c'est réglé. On te paye ton loyer. C'est fait. Et c'est comme ça toutes les heures sur Virgin, d'accord? C'est pas possible. Vous êtes au top. Eh bien, je te remercie, super, ma belle. C'est toi qui as un amour. Et on va garder tes coordonnées parce qu'on plaisante pas. Tu vas vraiment fournir la robe de l'or, je le sens. Oh. Restez avec nous sur Virgin Radio. Prochain tirage au sort pour le loyer. C'est dans une heure, bien sûr. Et Mike Posner tout de suite. I took a pill in Ibiza. Excellent réveil. Hey, this is Mike Posner and you're listening to Virgin Radio. Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Sad soul, sad soul. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know Aujourd'hui. Le Virgin Tonic qui vous accompagne. Courage à vous tous qui êtes encore sous la douche. Vous préparez peut-être le petit-déj pour les enfants. D'autres sont déjà en voiture. Dans un instant, un point sur l'actu. Le réponse à tout de Clément Lincruste. Oui. Qui arrive aussi, bien sûr. Toute l'équipe est là. Oui. On se fait un petit tour de la téloche. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur la téloche ce soir? Eh ben alors, voilà une bonne question. Oh là là, attendez, j'ai mal cliqué. Les mystères de Laura. Okay. Ah, encore, ouais. Hein, c'est la deuxième fois. Hein. Ah, mais ça passe souvent, c'est toutes les semaines, machin. C'est le principe d'une série, ouais. C'est le principe, ouais, c'est... voilà, c'est ça. Il y a un des deux de la série Nip Tuck qui joue dedans. Ah ouais, ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Le moins beau. Ah, bon. Merci à vous. Ouais. Il y a le village préféré des Français. Oui. Ah, c'est bien ça. Ouais, Plus belle la vie, Dérapage. Ouais. Oh. Un inédit de Plus belle la vie sur France 3. Et qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah attendez, sur NT1, un de mes films préférés, Very Bad Trip. Ah, voilà. Oh là là, l'histoire des garçons, ils font un enterrement de vie de garçon et tout dégénère là-bas. Mm. Ah, je pourrais le voir, mais toute ma vie ce film. Bah, la musique oh et tout. Ah, mais ouais. Non. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez déjà vu dans un film et que vous faites maintenant? Parce que par exemple, c'est vrai que nous, avec mes potes, depuis qu'on a eu Very Bad Trip, on prend du LSD. Nous, on s'arrache les dents nous-mêmes. On met des Asiatiques dans le coffre, nul. Non, mais on rêve tous de faire un enterrement de vie de garçon à Las Vegas. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc aussi que ce qui sort d'un film, vous avez envie de le faire maintenant, Clément? Moi, c'est un vieux truc, c'est un film qui s'appelle La Carapate, c'est un des premiers de Pierre Richard. Et il y a un truc que je fais depuis, c'est descendre l'escalier sur la rambarde en glissant. Tu sais, il fait ça avec son père qui est en fauteuil roulant, il le met en haut, il court, il le récupère en bas. Ah, j'adore. Et depuis, j'essaie de faire ça, sauf que moi, j'ai une grosse boule en bas de l'escalier. Non, il faut que je m'arrête. Sinon, ça peut faire mal. Tu peux plus avoir de garçon, quoi. Non, voilà. Laure. Moi, j'ai fait un truc vraiment ridicule, mais que j'assume totalement. J'ai acheté deux verres, des vieux verres, et une carafe à whisky. Et j'ai fait un petit coin bar, genre à la... comme James Bond et tout, avec la carafe à whisky. C'est génial. Pour Juju, parce que moi, j'ai un truc de James Bond. C'est quoi? C'est que j'ai tellement aimé Daniel Craig dans Casino Royale. Mmh. Bon, c'est depuis des années. Moi, j'ai un peu découvert James Bond là. Que je tire sur des gens maintenant. Non. je commande à chaque fois qu'il y a un cocktail une vodka martini et j'aime pas ça. Mais je trouve ça tellement classe de le commander dans le petit verre à pied. C'est chic. J'adore. Pauline. Moi, c'est le diable s'habille en Prada, depuis que j'ai vu. S'habille en Prada? Non, malheureusement, non. Non, mais en fait, j'ai enlevé l'armoire et j'ai mis que des portants tout autour de ma chambre. Ah. Du coup, je me suis fait un showroom, en fait. Ah, c'est génial. Et ça, j'adore. Ça s'appelle des stoïaques, les portants. Des stoïaques. Des stoïaques? Ouais, dans la liste des mots qu'on connaît pas, ça s'appelle un stoïaque. Ah bon? Ouais. Je dirais le nom d'un joueur serbe. C'est vrai. Elsa, ma chérie, est-ce que t'as déjà vu un truc dans un film et depuis, tu peux plus t'empêcher de le faire? Sois la bienvenue au 3916. Oui, coucou tout le monde. Allume ma belle. Et ben moi, c'est depuis que j'ai vu Titanic. Donc, dès que je suis dans une voiture et qu'il y a de la buée, et ben, je peux pas m'empêcher de mettre la main, même si, voilà, je fais pas forcément. De faire l'amour. Ils font dans le film. Oui, bah, il faut dans Titanic, la buée vient du fait qu'ils font l'amour dans la voiture. C'est ça. Oui. Toi, elle vient pour d'autres raisons. Rien pas, oui. Mais tu mets la main quand même. Quand même. Ah bah oui, c'est clair. Sur la vitre. Et il y a Olivier, je voudrais l'embrasser très fort, qui est sur les réseaux sociaux. Olivier nous dit, moi je suis bouché et depuis que j'ai vu Rocky, dès que je rentre dans la chambre froide, je tape dans la viande. Ah, trop bien. J'aimerais trop faire ça. On t'embrasse, Olivier. Merci ma petite Elsa, je te fais plein de bisous. Reste avec nous sur Virgin Radio. Et le pop rock que vous aimez, c'est One Republic que je vous ai préparé. Wherever I go, soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez vous, on est là 6h, 9h30. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, Météo France vient de placer 8 départements en alerte aux orages pour ce mardi dans les Hauts-de-France, en Champagne et en Lorraine. Une vigilance qui s'ajoute à l'alerte aux inondations maintenues dans 7 autres départements, en Normandie, en région parisienne et en région centre. Ce sera plus calme et plus ensoleillé aujourd'hui sur l'Atlantique et la Méditerranée. Ce matin, la décrue de la Seine se poursuit lentement. Vigilance particulière à Corbeil-Essonne, où la rivière Essonne se jette dans la Seine. Les inondations de ces derniers jours jour ont fait 4 victimes et probablement plus d'un milliard d'euros de dégâts. 3000 foyers étaient encore privés d'électricité hier soir en Île-de-France. Manuel Valls a annoncé un fonds d'extrême urgence pour les sinistrés ayant tout perdu. La mort de 5 personnes dans un incendie hier soir à Saint-Denis. Le feu s'est déclaré pour une raison inconnue dans un immeuble. 2 autres occupants ont été grièvement blessés. Un bilan auquel s'ajoutent 9 blessés légers, dont 3 pompiers. Les recherches se poursuivent. Nouvelle journée de galère dans les transports. Les cheminots poursuivent leur mouvement de grève. 7e jour de bras de fer et un trafic qui va donc rester perturbé avec en moyenne 2 TGV sur 3 et 6 TER sur 10 pour ce mardi. En fin de semaine, ce devrait être les pilotes d'Air France qui se mettront en grève. L'intersyndicale appelle à en renforcer la mobilisation d'ici à la grande manif nationale de mardi prochain, le 14 juin. Ça se passera à Paris. Plus que quelques heures pour déclarer vos revenus. Les contribuables ont jusqu'à ce soir minuit pour envoyer leur déclaration au fisc via le site impots.gouv.fr. La barre des 15 millions de télédéclarations a été franchie. Cette année, c'est un record. L'arrestation d'un Français de 25 ans en Ukraine, originaire de la Meuse. Il a été interpellé en possession d'un véritable arsenal de guerre. Les policiers ukrainiens affirme qu'il voulait commettre des attentats en France avant et pendant l'Euro de football en visant une mosquée, une synagogue et des centres des impôts. Dans 3 jours, le coup d'envoi justement de l'Euro de football France-Roumanie en match d'ouverture vendredi soir à 21h au Stade de France. Ce matin, 36% des Français interrogés par Odoxa pour l'équipe estiment que les Bleus vont remporter la compétition. Ils n'étaient que 20% en février dernier. Strasbourg a pris une sérieuse option sur le titre de champion de France de basket. Les Alsaciens ont remporté le 2e match de la finale Pro A 73-61 hier à domicile contre Villeurbanne. Ils mènent la série 2-0. Strasbourg pourrait donc s'offrir le titre dès jeudi. Ça se passera sur le parquet de l'Asvel. Voilà pour l'actu tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Eh oui, le Virgin Tonic, c'est votre rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque matin. Vous n'avez même pas idée du bonheur que c'est de se réveiller à 5h du mat, être à vos côtés tous les matins dans le Virgin Tonic avec Laure, avec Clément. Salut. Bonjour. Avec la popo du standard, bien sûr, et avec des cadeaux magnifiques. On prend soin de vous, nous, tous les matins. On s'occupe de tout. Montez dans votre voiture, partez au boulot, partez en cours dans les transports en commun et on s'occupe du reste. On prend bien soin de vous, notamment des places pour le Axbot Festival. Ouais. J'ai jamais eu la chance d'y aller, mais je sais que c'est un rêve pour tout le monde de rentrer sur ce bateau de dingue. En plus, cette année, ils ont un plateau d'artistes incroyable. Breakbot, Feder, Fakir, Cassius, Lilywood and the Freak. Applaudir tous ces gens-là, faire une fête de dingue sur un bateau ultra privatisé. C'est ce qu'on va vous offrir toute la semaine. Il suffit de vous inscrire maintenant au 3916. Ce sera juste après le réponse à toute Clément qui arrive. Et les One Republic dans un instant pour le pop rock électro. Excellent réveil. Tonic. Réponse à tout. Eh oui, il y a des gens qui ont réponse à tout, c'est Laure et les enfants. Je suis une enfant. On n'avait pas interrogé Laure tous les jours, donc on s'est dit on va le faire avec les enfants. Ils se sont jamais piégés par les réponses de Clément. Et ce matin, je leur ai demandé ce qu'ils emmèneraient sur une île déserte. J'emmène mes maillots de bain, ma crème et mes habits. Et surtout de la nourriture, hein, sinon j'aime mourir de faim. Moi, ça serait mon doudou parce que j'adore beaucoup. C'est quoi ton doudou ? Il s'appelle Pinouille, c'est un petit lapin trop mignon. Pareil, mon doudou, c'est un éléphant. Il s'appelle Fanfan. De quoi pêcher pour me nourrir. C'est quoi de quoi pêcher ? Bah, une canne à pêche. Moi, j'emmènerai une photo de ma famille, une grande bouteille d'eau et mon iPad. Une carte et une boussole. Moi, mon téléphone, mon ordinateur, mon iPad, tous mes objets électroniques en fait. Moi, j'emmènerai un avion pour revenir chez moi. Moi, je prendrai une lampe électrique et un sac de couchage. Bah, moi, tout simplement, j'irai pas. Moi, j'aimerais emporter ma ville, la ville de la Terre, pour l'emmener sur l'île. Le réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Retour demain du réponse à tout. Sauf que cette fois il sera en direct, puisque demain on sera en direct avec une cinquantaine d'enfants tout au long de l'émission. C'est le Kids Tonic. Ne ratez surtout pas cette émission. On va s'éclater. Et voilà, ils vont réagir à tout et tout. On va passer une très très belle matinée tout de suite. C'est les One Republic, Wherever I Go. Bon réveil. Anywhere you go, One Republic. Hi, this is Ryan from One Republic. Vous allez l'entendre partout. Mais la première radio qui vous l'a joué, c'est Virgin Radio. Lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new. something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes dans le Virgin Tonic. Virgin Tonic. C'est mardi aujourd'hui, le 7 juin, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que c'est mardi, mais je vous souhaite en tout cas un bon courage. Vous qui êtes déjà sur la route du travail, d'autres sont encore sous la douche, à la maison, et certains ouvrent les yeux et ma voix les énerve du coup parce que je suis en train de les sortir du sommeil et je m'excuse par avance. Toute l'équipe est là bien sûr. Oui. Et toute la semaine, à cette heure-ci, on va vous offrir vos places pour le Axbot Festival, la plus grande soirée de tout l'été. Ce sera au mois d'août à Nice. Pour les gagner chaque matin, deux concurrents qui s'affrontent autour d'un blind test. Que le meilleur gagne. Virgin Tonic, blind test. Test sur Virgin Radio. C'est très simple. Des morceaux pendant 30 secondes. Vous pouvez proposer tout ce que vous voulez. Dès que vous avez la bonne réponse, on passe au suivant. Et vous pouvez aussi passer autant de fois que vous voulez. En tous les cas, celui des deux qui en 30 secondes reconnaît le plus de morceaux repart avec le Graal. Les passes pour le Axbot Festival ce matin. On a Pauline avec nous. Salut Popo. Salut mon petit Kabil. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va super. Tu viens d'où ma Popo? Je viens de Clamart, dans 92. Très bien, région parisienne. Et face à toi ce matin, Hugo, il n'est pas là pour se marrer. Il va tout donner, Hugo. Ça va, Hugo? Salut Camille, ouais, ça va super bien, merci. Hugo, t'es de quel coin, toi? De Montpellier. Montpellier, l'Hérault, bien sûr. On est venu vous voir au cours de l'année. C'était fantastique, ah, l'accueil que vous nous avez réservé. Attention, qui veut démarrer? Tiens, Pauline ou Hugo? Bah, on est allez. Allez, ok, Popo, elle est partie. Je te rappelle, 30 secondes, tu passes quand tu veux. Et tu peux proposer autant de fois aussi hein. Tu peux proposer tous les artistes que tu veux. Tant que tu me dis pas passe ou que tu trouves pas la bonne réponse, on reste sur cette musique. 30 secondes, ça va très vite. Ne te fais pas piéger, attention. On y va, c'est le blind test du Axbot Festival. Premier extrait, c'est parti. On passe, c'est parti. Pharrell Williams. Ah bah oui, c'est facile. Je connais toutes ces chansons, mais pas les... Passe. Ah, Gauthier. Gauthier, c'est bien. Ah, c'est trop tard. Deux. C'est trop tard. Et deux, pour l'instant, c'est le record, puisque hier, notre gagnante a eu qu'une bonne réponse et ça lui a permis de gagner ses places. Alors, on commence avec Jason Derulo. Je vais te dire, je suis pareil que toi. Mais moi, par exemple, je sais que vous l'adorez ce morceau, on vous l'a joué mille fois à la radio, mais tu le mets comme ça, tu retiens pas. Ouais. Le nom de l'artiste revient pas forcément. Après, il y avait Pharrell Williams, c'est bien joué. Ensuite, il y avait Charlie Rae Jepsen. Ah ben ouais. Et Gauthier, tu l'as retrouvé. Bravo à toi ma chérie, ça te fait deux bonnes réponses en 30 secondes. Merci. C'est pas si mal. Hugo, tu penses faire mieux? On va essayer en tout cas. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Hugo, c'est parti, c'est à toi. 30 secondes, 2. Voilà le score à battre. C'est parti, on démarre. Je passe, j'ai plus sur le bout, voilà. Ouais. Faut passer si t'as pas. Faut passer, faut passer. Je passe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Julien Doré. On a Julien Doré, on a Julien Doré. Alors Julien Doré, c'est bon. On avait juste. Alors on démarrait avec Black M. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont reconnu sur les réseaux. Sur ma route. Après c'était, on l'a eu souvent dans l'émission, Marina Kaye. Eh oui, Marina Kaye. La petite marseillaise, Marina Kaye. Et après un peu plus dur, tu l'as pas eu non plus. Avicii, Wake Avicii, Me Up. Bah oui. Et Julien Doré que t'as reconnu, ça fait qu'une bonne réponse. C'est donc gagné pour Pauline, bravo. Ouais, bravo Pauline. Oh super, j'y croyais pas. Oh là là, t'es pas trop déçu Hugo? Non, pas du tout, je suis content qu'elle y aille. On va t'offrir un très beau cadeau. Hugo. Je vais t'offrir un très beau cadeau standard. Vous voyez comme ils sont gentils, nos auditeurs. Ouais, bon ils perdant. Se félicitent entre eux et tout. On dirait à la fin la poignée de main Roland Garros. Ouais. Il a fait un bon match, Joko, t'étais intouchable aujourd'hui. Hugo, viens, on va te faire un beau cadeau quand même, compte sur nous. Et Pauline, donc tu pars. Et c'est oh, génial. Merci. Ah, ça va être cool, le top. Séjour tout frais payé pour deux personnes pour le Hatsbot Festival en VIP du 4 au 6 août pour applaudir Feder, Breakbot, Cassius, Lily Wood and the Freak et plein d'autres amis. Wow, transport, hôtel, pass VIP compris. Je t'embrasse, ma popo. Merci à vous, gros bisous. Bisous. Des bisous. Bisous. Et tiens, je me suis fait un petit délire. Ouais. C'est quoi? Avec Robin, notre réalisateur, on avait envie de repasser un petit Pony Pony Run Run ce matin. Ah, ça fait longtemps. Pour le pop rock électro, c'est magnifique, ça a découvert chez nous, il cartonne. Ils reviennent bientôt, c'est des Nantais. Écoutez ça, hey you. Take the time today, it's not an easy game. Make it seem to be seen if you say so. It's not easy, baby. Crossing lines, don't let it feel this way. Reaching my eyes. So, so sorry. Take my time today. Let me find a way to take my time today. Oh, no, you don't have to do so.

chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Should've left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard, de peur qu'il soit trop tard. Excellent réveil à vous, bientôt 7h sur Virgin Radio, bientôt un nouveau point sur l'actu, la question de ouf qui arrive aussi, bien sûr, on écoutera tous les messages que vous avez laissés sur notre répondeur. Laure, Clément, Pauline sont là? Oui. Est-ce qu'ils sont là? Mais oui. J'entends pas, est-ce que vous êtes là? Bien sûr. Courage à vous tous qui partez bosser, peut-être qu'attendez que votre pote vous récupère du boulot. Moi tous les matins c'est Hakim, le fils du forgeron, qui vient me chercher. Dans la vallée. Bien sûr, pour aller dans la vallée de Dana, voilà. Bien sûr. Bon, ce matin je suis un peu deg. Pourquoi? Bah, parce que tout le monde me vanne sur mes fringues aujourd'hui. C'est normal, t'as vu ta chemise? Alors parce que j'ai un truc, c'est que ma chemise n'est pas du tout repassée. Elle est repassée d'hier soir. Et oui, mais c'est un truc que c'est pas très bien faire. Alors moi je sais pas le faire du tout. Et ma chérie ne sait pas très bien faire. Et puis va lui dire tu repasses mal, je pense que tu repasseras tes vêtements tout seul maintenant. C'est ça. Mieux vaut un mal que très mal. Ah non, les amis, je peux pas. Il y a des trucs comme ça, on peut pas dire. Vous qui êtes en couple, hein, qui nous écoutez, vous qui avez été en couple longtemps, vous savez qu'il y a des trucs, tu lui diras jamais de ta vie. Ouais. C'est toujours comme ça, Clément. Moi, mon ex, j'ai jamais osé lui dire qu'elle connaissait rien en cuisson. T'sais, moi, je mange saignant. À chaque fois, elle faisait tout à point. Mais je me suis dit, si je lui dis, je vais être obligé de le faire moi. Donc, du coup, j'ai appris à manger à point. Il y a des trucs, ça, avec ce rétro, elle a pas la main verte. Ouais. Donc elle adore, elle prend plein de plantes, il y a plein de plantes, et elle meurt toutes. Elle se suicide même. Mais après, elle fait genre, ah, mais c'est normal, si on n'a pas changé le pot et tout, mais en plus, elle a genre le matériel et tout. C'est genre, elle voudrait, elle est persuadée d'avoir la main verte, mais pas du tout. Quoi. Non, la pauvre. Elle a planté, c'est mignon, sur la fenêtre de la cuisine, elle a planté du basilic. Ouais. Vous voyez, le truc qui veut pousser et tout, elle a tellement pas la main verte, c'est du persil qui a poussé. alors qu'à la base, c'était du basilic. Oui, Pauline, au standard. Faut qu'elle prenne des cactus. T'as pas besoin de leur mettre d'eau, tu remets de l'eau une fois par mois. Ça, c'est une idée. Bah ouais. Bah bête du tout. Moi, c'est pour ça que j'ai quasiment que des cactus, moi. Et sans la main verte, ça marche, mais si ça pousse dans le désert. Mais ma chérie peut arriver à. Tuer un truc qui arrive à vivre dans le désert, à pas vivre chez moi. Allez, quand même. Allez, soleil. Qu'est-ce que tu pourrais pas dire à ton mec, t'es en couple depuis longtemps comme moi, alors, à ton mec Juju, tu sais que ça le vexerait, ça fait des années que t'as laissé planer le truc de t'es bon pour ça, en fait, tu l'es pas. Il y a un truc qui m'insupporte quand on va au ciné, en fait, quand on sort, son maximum de réaction, c'est ouais, c'était bien. Ouais, non, c'était pas bien. Et moi j'adore débriefer en fait. Ah ouais. Et il me dit cette phrase qui me surénerve. Il dit moi j'ai toujours besoin d'un petit temps de laisser reposer, tu vois, d'être seul avec mon film. J'ai envie de le tuer. Et du coup bah voilà, je peux pas lui dire parce que ça déclencherait une dispute trop grande en fait, trop profonde. Ouais, puis ça fait des années comme ça. Ouais, ça fait des années. On peut plus après. Ouais. Voilà. Pauline, t'as été longtemps en couple? Ouais, j'ai été 3 ans en couple quand même. Hein, et c'est pas rien. Et justement lui il avait un gros souci, il était nul en danse. Mais je lui disais pas parce que je faisais des petites vidéos que j'envoyais à mes copines quand même. On se moquait un peu. Tu te moquais de lui dans son dos? Ouais, mais ça va, lui se moquer de moi. Il m'a enregistré plusieurs fois quand je ronflais. Il l'a envoyé à ses copains. Il m'a fait une photo de moi horrible en train de dormir dans un bus et de baver. Il l'a mis en fond d'écran Facebook, enfin en couverture. Enfin, on se faisait des petits coups. Des petits coups comme ça. Quand est-ce qu'on dort en bavant dans un bus? Quand on fait des voyages et qu'on est fatigué. Bah, bien sûr, bah, voilà. Très bien. Ma chérie est nulle aussi pour attraper les trucs. Elle n'arrive pas. Ouais, mais lui lance un truc et elle n'y arrive pas. Comment? Ça dépend du lanceur. Je suis un lanceur de dingue, mon pote. Ouais. Elle est malhabile. Attendez, j'ai grandi toute mon enfance à jouer au baseball dans le jardin avec mon père. Voilà. Non, t'es français. C'est un film américain. Autant pour moi. Oui, Nico du bureau. Tu fais le truc de daron là, genre tiens, un réflexe. Non, j'essaie vraiment de. Elle me dit tiens, lance-moi ça. Tout ce que je lui lance, elle n'arrive pas à l'attraper. Bon, moi, Clément vient de lancer un stylo, il est où? Eh ben, je l'ai. Alors vas-y. Attention, vas-y, Clément, je te l'envoie. Le talent de lanceur. Dans le fond, il l'a envoyé à Pauline. Je t'ai fait sur Pauline, ça marche pas. Vas-y, est-ce que t'as un chéri, toi, ma belle, au 3916? Bonjour. Salut tout le monde, oui, effectivement, j'ai un chéri, Camille. Ouais. Il s'appelle comment celui-ci? Il s'appelle Julien. Ouh, c'est un prénom de coureur, ça. Mm-hmm. Ah oui, les Juju. Oh là là. Non. C'est le meilleur prénom. Ouais, c'est le meilleur. Team Julien. Tac. Ma Fanny, est-ce qu'il y a un truc dans lequel il est nul, mais tu peux pas lui dire, ça lui ferait de la peine? Ah oui, il est nul en lessive, mais vraiment très très nul. Mais si tu veux, je dis rien, parce que, bon, à la limite, moi, mon t-shirt qui devienne rose, parce qu'ils ont été déteints, ça va. Mais c'est plutôt lui, en fait, qui en a souffert, parce que sa chemise qui est devenue rose saumon, ça, il a pas trop bien vécu, tu vois. Donc bon, si derrière, en plus, j'enfonce le clou. Donc vous êtes, en fait, vous êtes tous les deux nuls en... vous êtes tous les deux nuls en lessive. Ah non, c'est lui qui m'a fait ça, hein. C'est lui qui a fait l'accident. Ah, la chemise aussi, c'est lui. Ah bah oui. D'accord. Non, mais c'est vrai, j'ai pas... Et l'après-midi, quand vous faites une petite sieste crapuleuse, faites un sac à sec, vous. C'est ça, c'est le mieux, c'est de faire la lessive. Oui, Laure. Pardon d'être terre à terre, mais sinon tu peux lui acheter des lingettes pour la décoloration du linge. J'ai peur de ça. Non, j'ai trop peur. Non, tu peux y aller. Bah, c'est-à-dire que ça sera toujours mieux que ce que t'as en fait. D'accord, on va l'envoyer sur le télé-shopping. Alors, t'as plus rien à faire avec nous. Elle a déjà essayé de nous vendre un turbo vapeur il y a deux heures. On est très très bas. Tiens, il y a Tristan qui dit sur les réseaux, j'ose pas dire à ma copine qu'elle est nulle en massage et du coup, j'ai mal au cou toute l'année. Ah, ça c'est compliqué. Tu peux pas. Tu peux pas, et puis une fois que tu les as acceptés, tu peux plus revenir dessus après. Greg, t'as une chérie toi ou pas, poto? Salut. Oui, salut Camille. Ouais, moi j'ai une chérie, elle s'appelle Marie. Ok, ouais, ça va, pas peine de faire le bover ça. Ouais, les gars, j'ai une chérie Marie, elle fait quoi? Elle fait tout bien, merci, bonne journée, j'ai rien à vous dire. Est-ce qu'il y a un truc qu'elle fait mal, et t'oses pas lui dire, mon poto? Oui, la coiffure, elle coupe les cheveux de mes enfants et elle leur fait des troufs. Donc c'est un peu la loose, mais bon, ça nous évite le coiffeur. Mais bon, c'est pas simple, ouais, mais bon, quand t'es jeune, ma mère, c'est pareil, elle me faisait des coupes au bol, elle mettait vraiment un bol sur ma tête, elle rageait autour, quoi. Ah bah c'est ça la coupe au bol à la base, oui Laure. Ouais, moi je coupe les cheveux de toute ma famille en fait. Je suis le coiffeur officiel de ma famille, mais en vrai. Mais tu coupes genre des adultes? Bah genre là j'ai un texto de mon cousin qui m'envoie, qui me dit est-ce que t'es dispo à 18h pour me couper les cheveux, mais vraiment. Il y a des rendez-vous et tout? Ouais. Tu prends la carte bleue? Non mais je prends pas d'argent. Mais par contre je leur dis vous pouvez laisser un pourboire à ma fille si vous voulez. Ça fait l'argent de poche. Mais c'est génial. Et pourquoi tu nous coupes pas nous? Bah si vous voulez, avec plaisir, mais je coupe non, bien. Non, non. D'ici la fin de l'année, matin, Clément et moi on se fait couper par Laurent direct. Je couperais mieux que ton coiffeur. Hein. Quoi? Ah bah ouais, non, j'aime pas du tout comment il coupe. Mon coiffeur? Non, j'aime pas, il fait trop court derrière. Ouais, et sur les côtés. Ouais, j'aime pas du tout. Pour un non-voyant, je trouve quand même. Franchement, il fait tout au flair, c'est pas si mal. Fanny Gray, je vous embrasse très fort, restez avec nous sur Virgin Radio. On le fait, Clément. Ben, tu le fais, moi je t'en regarde. Non, on le fera tous les deux. Non, mais Clément, il a besoin. Hein. Ah bah oui, elle nous coupera en direct, Laure, les Jonas Blue, Fascar. Voilà ce qui arrive dans un instant. Merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 9h30. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, désormais 15 départements en alerte ce matin. Risque d'inondation en Normandie, en Ile-de-France et en région centre. Un risque d'orage dans les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne et en Lorraine. Du soleil sur l'Atlantique et la Méditerranée, 21 degrés en moyenne pour cet après-midi. Encore 3000 foyers privés d'électricité hier soir en région parisienne. Le niveau de la Seine continue de baisser. Le dernier pic de crue est attendu ce mardi dans l'Essonne. Les inondations qui auront fait 4 morts et les centaines de millions d'euros de dégâts. Manuel Valls a annoncé hier un fonds d'extrême urgence pour les sinistrés ayant tout perdu. L'incendie d'un immeuble hier soir à Saint-Denis, près de Paris. Au moins 5 morts et 2 personnes grièvement blessées, auxquelles s'ajoutent 9 blessés légers, dont 3 pompiers. Les recherches se poursuivent dans les décombres. Pas d'informations sur l'origine du sinistre. La suite du mouvement social à la SNCF. Encore des perturbations sur les rails ce mardi. 2 TGV sur 3 en moyenne et 6 TER sur 10. Autre menace, celle des pilotes d'Air France qui ont déposé des préavis de grève à partir de samedi. L'intersyndicale appelle à une grande manif nationale mardi prochain, le 14 juin. Paris, alors que 54% des Français se disent désormais opposés à la poursuite du mouvement social. L'arrestation d'un Français de 25 ans en Ukraine, il a été interpellé en possession d'un arsenal de guerre. Les enquêteurs ukrainiens assurent qu'il prévoyait une quinzaine d'attentats en France à la veille et pendant l'Euro de football qui débute vendredi. Des attaques qui auraient visé une mosquée, une synagogue et des centres d'impôts. À propos d'impôts, justement, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour déclarer vos revenus sur le site impots.gouv.fr. Plus de 15 millions de télédéclarations cette année, c'est une première. À l'étranger, c'est bien Hillary Clinton qui devrait être la candidate démocrate à la prochaine présidentielle américaine. L'ex-première dame a été déclarée gagnante des primaires par les médias américains. Son challenger Bernie Sanders conteste et assure que rien n'est encore fait. Chacun attendra au moins de connaître les résultats de ce nouveau Super Tuesday. Les basketteurs alsaciens à une victoire du Sacre. Strasbourg a surclassé Villeurbanne hier soir 73-61 lors du deuxième match de la finale de Pro A. Le titre se joue au meilleur des 5 rencontres en menant la série 2 victoires à 0. Les Alsaciens n'ont donc plus besoin qu'un match à gagner pour être sacrés champions de France. Et ce sera peut-être dès jeudi soir à Villeurbanne. Et puis à 3 jours du coup d'envoi de l'Euro de football, le lancement aujourd'hui de BFM Sport, une nouvelle chaîne d'infos purement sportive pour les 6 millions de foyers abonnés à SFR ou Numéricable. Voilà pour l'actu, bon réveil. Je vous souhaite un très très bon réveil. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans le Virgin Tonic. Bien sûr, le rendez-vous c'est 6h-9h30 chaque matin du lundi au vendredi. C'est un bonheur de vous retrouver chaque jour. J'espère que tout va bien, cette journée va bien se passer, que ce mois de juin va bien se passer. On est déjà le 7 juin. Oui, ça va. Et on est là pour une nouvelle semaine. Les copains, oh là là, J-8 avant le bac, ouais. J-13 avant l'été. Oh là là. Deux trains sur 3. Juste comme ça. Avant l'été. Beaucoup de courage, on plaisante avec vous, mais on est là chaque matin. Je sais que c'est pas simple, hein. Toutes ces histoires de grève, ça vous impacte beaucoup. On va s'occuper de vous, nous en tout cas. Laure Clément Pauline. Évidemment, on a du Jonas Blue qui arrive. Ça s'est préparé. J'ai la cassette, elle est prête. Regardez, si j'appuie sur le bouton. Bam. Ah ouais, ça marche. Ah bah, c'est une nouvelle technologie là. Pas mal. C'est quoi, c'est play? C'est play. Fais gaffe, si tu fais rec play, tu vas enregistrer ce que tu dis. On va ruiner le morceau. Ah ouais, non, jamais l'écouter. Que play. Les Yavner, après, je vous ai préparé aussi. Ah ouais, oh, bah bien. Tu ne vas pas. Wow. Grosse playlist. Petit Jonas Blue, petit Yavner. Ah ouais, non, mais j'ai pris soin de vous ce matin, je peux vous le dire. Hein. Et puis pour le moment, à 7h05, c'est la news la plus importante du matin. Et juste après, le réponse à tout de Clément Lacruste. La news la plus importante du matin. Et ce matin, elle nous vient tout droit du site The Journal. Ouais. Ça se passe à Pau. Okay. Ah. Une femme a reçu une amende. Oui. Voilà. Bon, Camille, que tu fasses des choix éditoriaux, mais enfin de là, la mettre plus importante, je suis pas non plus sûr. Non, elle a reçu une amende de 1000 euros pour une chose bien précise. Pourquoi? Elle chantait du Céline Dion. Ouais. Ah bon? En fait, elle chantait du Céline Dion et du Morane tous les jours. Ouais. Chez elle, avec un micro, mais de 7h du mat jusqu'à 23h. Ça fait beaucoup. Un peu, vous savez ce qu'on peut voir parfois dans Confession Intime ou des choses comme ça. Ouais. Dans les froids, dans les flammes. J'adore Laure parce qu'elle attendait de voir si j'allais démarrer à chanter. Dès qu'elle a vu que je chantais, elle a fait un cool. Cool, on va pouvoir porter plainte. Ses voisins ont porté plainte. Elle a donc reçu une amende de 1000 euros pour tapage, même pas nocturne, tapage journalier. Diurne. Mais juste, voilà, ils en pouvaient plus, quoi. Pauline du Standard. C'est peut-être la reine du karaoké de Pau. Elle l'est fait chez elle. Au bout d'un moment, je peux comprendre, ça doit être pénible. Mais nous, les voisins du Virgin Tonic, là, les voisins de Virgin Radio, ils vont péter un plomb avec tout ce qu'on chante le matin. Ouais. Et nous, c'est un karaoké géant le matin. C'est clair. Oui, Laure. Bah, c'est à Céline Dion qu'il faudrait mettre une amende, je trouve. Mais non. Céline, elle fait que chanter des chansons qui existent. Moi, j'aurais puni Céline. Enfin, on touche pas à Céline. Oui, Clément. Non, mais Céline Dion, elle a 500 chansons. C'est comme Goldman, c'est varié. T'imagines si elle était fan d'un artiste qui a fait qu'un tube? Ah ouais. C'est toujours la même du matin au soir. Ah oui, mais du coup, il y a tout le répertoire de Céline Dion. Ouais, c'est vrai. Sinon, ce serait toujours, Mano. La Mano. T'imagines dans la vallée toute la journée à côté de chez toi. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Le vent souffle sur les plaines. Trop bien. De 7h à 23h. Je crois qu'il y a une seule chanson que je déteste plus que cette chanson. Je déteste, j'ai rien contre eux. Hein. Ah oui, je déteste juste parce que... Je peux deviner? Vas-y. C'est Mécano, une femme avec une femme. Ah, pire. Ah. Hiro de la Luna. Ah non, c'est la pire horrible. De toutes. Bah, imagine, de 7h à 23h, Hiro de la Vallée. 7h07 les amis, j'espère vraiment que cette journée démarre bien pour vous. On pourrait vous mettre Hiro de la Luna, mais il va nous falloir à peu près 16 ans pour la trouver. Ouais. Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un d'urgence à RFM? Récupérer le 45 tours. Merci à vous tous en tout cas d'être avec nous, les Jonas Blue. Je vous l'ai dit, mais avant, bien sûr, question de ouf. La question de ouf. Ah oui, c'est pas la réponse à tout, c'est la question de ouf. Tous les matins aux alentours des 7h08, les amis, on écoute tous les messages que vous avez laissés sur notre répondeur. Et la question ce matin, quels sont les avantages d'être en couple pendant les vacances? Si, parce qu'il paraît qu'il y en a. Hein. Alors moi j'adore être en couple l'été parce que mon mec attire tous les moustiques. Donc fini la citronnelle, j'ai même pas besoin de me protéger, je suis jamais piquée. C'est d'avoir toujours une paire de mains pour nous passer la crème sur le dos et nous faire un petit massage au passage. Parce que quand je suis dans la piscine et mon mari sur le transat, il peut aller me chercher à boire, une glace, mon magazine, dans la maison. Je vais pas tout mouiller quand même. Ça permet de jouer aux raquettes de plage. Ben oui, il faut être deux. Pourquoi c'est mieux d'être en couple l'été ? Bah parce que t'as pas besoin de t'embêter à faire du sport avant. Comme ça, si on se fait draguer par des gros lourds sur la plage, on peut leur dire « Non mais en fait, mon copain est à côté, donc fous-moi la paix, s'il te plaît. » Bah moi, à la place du vélo, j'ai fait du tandem, ça me fatigue pas et c'est ma chérie qui pédale. Parce que au moins sur la route, t'as quelqu'un sur qui remettre la faute ou sur qui gueuler tout simplement quand tu t'es trompé de chemin. Question de ouf. Merci à vous tous les amis de participer chaque matin 7h09. Jonas Blue, Fasca, voilà ce qu'on écoute. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Hey, this is Jonas Blue for Virgin Radio. Tonic. Oh. To anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save just a little bit of money. Wanted to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. So fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Leave tonight, we'll die this way. Said his body's too old for working. His body's too young, took like his. Mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and I was living in the suburbs. You got a fast car. See you fast enough, she can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or we'll die this way. So I remember we were driving, trying your car. You speak so fast, but like I was drunk. Did I say out before? See, all the nights wrapped around my shoulder. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Vous avez fait le bon choix, c'est là que ça se passe tous les matins. Et d'ailleurs, et demain matin, émission exceptionnelle. Ouais. Ah non, mais on s'amuse. Alors vraiment, tous les matins, on vous prépare plein de surprises. Vous le savez, 6h, 9h30. Mais alors demain, émission exceptionnelle. S'il y a une émission à ne pas rater, c'est celle-ci. Puisque demain, c'est le Virgin Kids Tonic. Ouais. On sera en public, on l'a déjà fait. Ouais. 50 personnes. Sauf que ce sera 50 enfants. Oh là là, c'est génial. On va être dans une garderie. Alors le but, c'est pas évidemment uniquement que les enfants nous regardent faire de la radio, c'est pas ça. C'est on va faire l'émission avec eux. Ah oui. Ils vont vraiment réagir à tout. Ils vont faire les jingles, ils vont chanter avec nous, ils vont nous poser des questions de niveau CM1. Bref, on va beaucoup s'amuser avec eux, j'en suis sûr. Oui, Clément. Je sais pas si t'as déjà été dans une pièce avec 50 enfants, mais c'est plus nous qui décidons. Ah non, ça c'est sûr. C'est... Même avec un en fait. Ouais, déjà un. Bah là, on va plus décider de rien. Et alors, je me dis, comme on reçoit des enfants là, dans l'émission demain, il faut que chacun fasse un gâteau. Oui, je veux que vous fassiez tous un gâteau. Okay. Okay. Faire ou acheter ou faire. Ah non, non, faire, non. Acheter, mais pas justement. Acheter, c'est déjà mon idée. L'idée est plus. Non, moi je fais pas, mais j'en ferai goûter et les enfants éliront le meilleur gâteau. Oui, ma petite Laure. Bah, je vais organiser un atelier gâteau alors, dans ce cas-là. T'es prête à accueillir l'équipe chez toi ? J'accueille toute l'équipe chez moi. Je donne un horaire, vous avez intérêt à être à l'heure, c'est 16h. Ok. Donc, attends, aujourd'hui à 16h, tout le monde peut venir faire un gâteau chez toi ? Ouais.

Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte après vente avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Les Caplas, tu me regonfles. Quelle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Grâce au prêt à consommer du Crédit Agricole à taux spécial Euro 2016, financez vos nouveaux équipements pour vivre la compétition à domicile. Ah bah voilà, c'est l'occasion de reparler du canapé. On avait dit la télé avant. Une belle télé, si on est mal assis, je vois pas l'intérêt. C'est pas faux. Télévision, meubles, déco, avec le Crédit Agricole, découvrez les prêts à consommer pour vivre l'UEFA Euro 2016 à domicile. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Offre réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale participante et prêteur, voire conditions et limites au contrat, vous disposez d'un délai de rétractation. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Avec désormais 15 départements en alerte aux inondations et aux orages pour ce mardi en Normandie, Île-de-France et dans le centre, mais aussi dans les Hauts-de-France, en Champagne-Ardenne et en Lorraine. De belles éclaircies uniquement sur la façade atlantique et sur la Méditerranée. Vous aurez 15 degrés cet après-midi à Deauville, 17 à Cherbourg, 20 à Brest et 21 à Valence, 22 degrés attendus à Lille, Paris et Nice, 23 pour Rennes, Nantes, Bordeaux et Marseille, 25 à Lyon, la maximale 26 pour Perpignan, du beau temps jusqu'à la fin de la semaine. Retour de la pluie pour le week-end. Bon réveil. Vous êtes citadine, il est campagnard. Vous aimez la fête, il est pantouflard. Match au 73-200, votre couple est-il solide? Pourriez-vous faire avec vos différences? Match M-A-T-C-H au 73-200, nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Envoyez Match au 73-200. 65 centimes plus prix d'un SMS tel que passe. Les Trois Mousquetaires. Découvrez les chansons du spectacle musical événement. Inclut les tubes d'Olivier Dion et Damien Sargue. Les Trois Mousquetaires, l'album enfin disponible. Bieber au 88-484, Justin Bieber nous offre encore un de ses nombreux hits. Envoyez Bieber, B-I-E-B-E-R au 88-484, accédez au catalogue et téléchargez Love Yourself, le nouvel hymne de Justin Bieber en sonnerie. Bieber au 88-484. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Virgin Radio, électrochoc. Virgin Radio Electrochoc. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. 7h21, je vous souhaite un très très bon réveil. Bienvenue sur Virgin Radio. Je sais qu'à 7h6, vous êtes nombreux à être déjà au travail, en voiture, dans les transports. D'autres sont encore à la maison, en pleine révision aussi hein, pour beaucoup de lycéens. Beaucoup de BTS et tout ça. On vous souhaite beaucoup de courage en tout cas. Et nous, on a le moyen de vous donner le sourire. Le moyen de vous féliciter d'être si nombreux à nous écouter le matin, c'est que toutes les heures, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20, on paye votre loyer. Il suffit de m'envoyer un texto. Loyer au 7 12 13. Vous me laissez votre numéro de téléphone. Oui. Évidemment. Sinon, on ne peut pas vous rappeler. Et c'est parti. Deuxième tirage au sort de la matinée. Il y a une heure, à 6h20, on a fait la connaissance de Charlotte. Oui. Ça a accroché. Elle a bien matché avec Clément. Elle est enceinte. Tout va bien. Elle a gagné son loyer, évidemment, Charlotte. Et maintenant, on a quelqu'un d'autre au téléphone. Qui est là? C'est José Pascal. José Pascal. José Pascal. José Pascal, il vient d'où? Il vient de Nantes, à côté de Nantes, un petit village qui s'appelle le Leroux-Bottereau. D'accord, très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Alors, moi, je suis chauffeur de convoi exceptionnel. Je suis voiture pilote. Waouh! C'est le premier camion qui passe après les gros. Voilà, le petit camion qui clignote. Petite lumière orange qui clignote là dans le sens. Et d'accord. Puis tu dis non, tu passes pas. Donc en gros, toi, t'es l'inverse d'une, comme on appelle, une safety car sur les trucs de F1, c'est que tu passes ta journée à rouler à 4 à l'heure. Voilà, ouais, entre 4 et 15 km/h, quoi, à peu près. Ça Parce que derrière, il y a des camions avec des bateaux ou des trucs comme ça. Ouais, voilà. Y a des trucs. J'ai une machine à petit poids. Et il y a des fois, ils sont obligés de, tellement c'est énorme, ils sont obligés d'élaguer. sur le chemin pour que ça passe. C'est assez hallucinant, quoi. Ouais, mais, exactement. Des fois, ça galère un peu pour passer. Mais excuse-moi, là, t'es en convoi exceptionnel ? Ouais, là, je suis arrêté pour boire un petit café, tranquille. Là, on se pose. Tranquille, en bloc de ville. Ouais, en plein milieu de la ville, on a fait un petit créneau, tout va bien. On c'est génial. De long, mais il n'y a pas de souci. Mais vu. Donc t'as une voiture, tu roules devant, mais vu la vitesse à laquelle vous allez, pourquoi tu le fais pas en marchant? Parce que c'est trop fatigant. En vrai, ça te ferait ton sport de la journée. Tu marches devant, ouais, tu dis attention, il y a un mollo, convoi exceptionnel, oui Clem. Ce qui est énorme, c'est que derrière, il y a une machine à petits pois aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Machine à petits pois. Ouais. Tous les enfants qu'on fait à la cantine, c'est les petits pois, ils les ramènent là. Bah voilà, on arrive. Bah, c'est en train d'arriver. Vous avez encore des. Tu peux nous trouver des petits panneaux qu'on voit exceptionnels ou c'est juste pour quand Laure prend la voiture? J'ai même des gyrophares en stock. Ah bah, ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Si elle nous a, des fois, elle nous ramène un petit peu chez nous le soir. On n'est pas rassuré. Poto, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Ah bah ouais, c'est bien. On tchatche. Ah ouais, on en oublie l'essentiel. Raph et Pascal, il est de combien ton loyer? 927, un truc comme ça, 927,33. Eh ben, il n'y a pas de souci, tu auras le temps de trouver le prix exact et on te fera un montant du chèque de montant de ton loyer, bien sûr. Il restera deux tirages au sort d'ici la fin de matinée. En tous les cas, nous, on a déjà offert pour quasiment 2400 euros de loyer ce matin, les copains. Vous êtes trop fort. Raph et Pascal? Si, seigneur. Passe une bonne journée. Merci, vous aussi. Continuez comme ça, gardez la tête. Je t'envoie, mais je te dis pas de pas te faire flasher hein, à 4 km/h, ça va aller. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Tout de suite, on écoute The Avener, We Go Home. Bienvenue, vous êtes ici chez vous, c'est le Virgin Tonic. 6h-9h30. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. Both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know, I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh. Bienvenue sur Virgin Radio, on est très très très heureux d'être avec vous. C'est mardi aujourd'hui, c'est le 7 juin, on vous accompagne jusqu'à 9h30. L'équipe est là bien sûr, le Diamant, la Pauline au standard, le 39-7. Tiens, je vais vous parler avec vous au 39-16 là maintenant, vous qui êtes au standard. Je vais vous poser une question parce que j'ai halluciné. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de courage, hein. Vous qui êtes peut-être en train de vous réveiller, puis beaucoup, je le sais, sont déjà en voiture. 13% des gens le font quand ils sont au volant de leur voiture. Mm-hmm. Faire crisser les pneus. Au démarrage au feu. Genre crâner, quoi. Genre Starsky Edge, quoi. Exprès, hein. Des fois, ça arrive, on fait pas exprès, mais le. J'adore. Comment on fait ? Ça, en fait, je le fais avec la bouche parce que j'ai un talent de bruitage. Super bien, hein. Tu le fais bien, hein. Ouais. Ouais, il est mieux le mien. Ouais. Et de démarrer au feu rouge comme ça. En fait, c'est un truc d'embrayage et tout. Bon, on va pas. Ah ouais. Ne le faites pas, c'est idiot. Mais il y a quand même 13% des Français qui le font, Clément. Ça reste un truc de kéké, quand même. Ah c'est un peu la honte de faire ça maintenant. Quand c'est bien quand t'as 14 ans. Ouais, mais. Non, quand t'as 14 ans, t'es pas au volant, mais. Ouais, mais justement, on va demander à nos auditeurs qui sont là avec nous au 39-16, très nombreux déjà. Mais. Il y a des trucs un peu honteux que tu fais en voiture. Ouais. Moi, je sais que quand la personne devant au feu, ça passe au vert, elle avance pas, je klaxonne, puis je me retourne, genre c'est pas moi. Oh, c'est lâche. Oh, bah, oui, lâche. Mais je suis lâche. Oh, les gars, c'est bon, on a 5 minutes. Oui, c'est bon. Moi, j'ai un truc honteux, mais je le fais pas exprès. C'est quand je roule l'été et que je veux cracher mon chewing-gum par la fenêtre, je le crache, et quand je roule trop vite, il rentre par la fenêtre arrière. Bah, ouais. Quand il y a des gens, c'est gênant. Ah, bah oui. C'est un vrai souci. Il y a un truc que tu fais d'un peu honteux, bah, ta conduite globale, toi, alors. Non, moi j'achète des McDo en cachette et je les mange dans ma voiture parce que je veux pas que Juju me voit manger un McDo parce que je lui interdis d'en manger. Mais je me fais toujours griller par la fameuse frite qui tombe entre le siège et le levier de vitesse. Et qui moisit. Et que tu, mais qui moisit pas, qui reste intact pendant 10 ans et que tu ne récupères jamais. Ah, non, parce qu'en fait, ça, la vie d'une frite chez McDo, en fait, c'est que pendant 2 ans elle reste pareille, puis ça devient une fritelle. Des petits trucs apéro, mais c'est normal. C'est ça la fritelle. Hein, c'est juste des noms vendus chez McDo. Puis après, ça devient un cure-dent. Mais tu ne sais jamais perdu une frite chez McDo, t'as raison. Zoé, ma chérie, est-ce que t'as le permis? Est-ce que t'es en voiture le matin? Salut ma belle. Salut tout le monde. Bah écoute, ouais, moi j'ai le permis, je vais en voiture au boulot. Mais c'est surtout quand je suis dans la voiture d'un pote, en fait, et que je suis passagère. Quand il regarde pas, j'en profite pour vider, tu sais, tous mes papiers de bonbons que j'ai dans les poches. Oh, c'est dégueulasse. Je les mets dans sa voiture, en fait, dans la portière. Oh, c'est dégueulasse. Moi, mes potes, ils font ça toute la journée et ils laissent les bouteilles d'eau. C'est, ils montent avec les bouteilles d'eau et j'ai les bouteilles d'eau vides. Et je, bah, personne ne vide ces bouteilles d'eau des voitures. Ben ouais, on en a tous. Ah, mais j'ai un coup de gueule, hein. J'ai un truc, hein. Foutez-moi les menottes, hein. Pierrot, est-ce qu'il y a un truc un peu honteux que tu fais en voiture, toi aussi, mon Pierrot? Salut tout le monde. Et ben moi, écoute, c'est quand je vais à la plage, je mets le pare-soleil que mon fils a gagné. À Saint-Carmé, c'est un beau pare-soleil Tarz, tu vois. Bien moche, bien laid, mais c'est tellement pratique. Voilà. Ah, le pare-soleil. C'est à l'ancienne, hein, les pare-soleils. J'ai jamais compris. Ça sert. Bah, ça sert, ouais, mais c'est quand même à l'ancienne, oui, Clément. Bah, quand t'as les enfants, c'est une excuse. Tu dis, ceux qui l'ont fait, c'est mignon. Mm. Quand t'as pas d'enfants et que t'as besoin d'un pare-soleil, c'est plus honteux. Bah, ouais, c'est, t'as du mal à en mettre un, oui, Nico, du bureau. Mais c'est vrai que quand t'achètes la voiture, généralement, tu dis, waouh, je vais acheter une belle voiture, tu vois, genre, tu vas chez Toyota, tu dis, ouais, super option. Tu t'imagines pas avec le petit pare-soleil car. Ouais, ouais. C'est ça le truc aussi. Ou le pare-soleil Hello Kitty. Ouais, ou le truc sur les vitres arrière, les parents, vous avez beaucoup pour que les enfants prennent avec pas le soleil. Ventouses, ouais, pare-soleil. Avec les ventouses, bah ouais, c'est ça. Et je voudrais vraiment féliciter Alexandre qui se lâche bien sur les réseaux sociaux. Et dis-moi, quand j'éternue, je m'essuie sur le siège passager. Oh. Ah, c'est dégoûtant. Oh là là. Ah, c'est dégoûtant. C'est moche. C'est pour ça qu'il y a de l'eau dans ta voiture, c'est pour nettoyer en fait. Ah, ça te fait rire, ça. Hein, ça fait rire parce qu'on l'a tous fait au moins une fois. Mais bien sûr. Non. Qu'est-ce que t'en fais? Non, mais t'as pas le permis, toi, ça viendra, tu vois. C'est dans le code, hein. Reste avec nous sur Virgin Radio, 7h31. Vous êtes dans le Virgin Tonic. On est là avec vous jusqu'à 9h30 chaque matin. On va faire un point sur l'actu et on revient tout de suite dans un instant avec aussi le son de Sia pour le pop rock électro. Ne bougez pas. Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. Météo France a placé 8 départements en alerte aux orages pour ce mardi dans les Hauts-de-France, en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Une vigilance qui s'ajoute à l'alerte aux inondations maintenue dans 7 autres départements, Normandie, région parisienne et région centre. Ce sera plus calme et plus ensoleillé sur l'Atlantique et la Méditerranée. Alors ce matin, la décrue de la Seine se poursuit lentement. Vigilance particulière à Corbeil-Essonne où la rivière Essonne se jette dans la Seine. Les inondations de ces derniers jours qui ont fait 4 victimes et probablement plus d'un milliard d'euros de dégâts. 3000 foyers restaient encore privés d'électricité hier soir en Ile-de-France. Manuel Valls a annoncé un fonds d'extrême urgence pour les sinistrés ayant tout perdu. La mort de 5 personnes dans un incendie hier soir à Saint-Denis. Le feu s'est déclaré pour une raison inconnue dans un immeuble. 2 autres occupants ont été grièvement blessés. Un bilan auquel s'ajoutent 9 blessés légers dont 3 pompiers. Les recherches se poursuivent dans les décombres. Nouvelle journée de galère dans les transports. Les cheminots poursuivent leur mouvement de grève. 7e jour de bras de fer. Le trafic va rester perturbé avec en moyenne 2 TGV sur 3 et 6 TER sur 10 ce mardi. En fin de semaine, ce devrait être les pilotes d'Air France qui se mettront en grève. L'intersyndicale appelle à renforcer la mobilisation d'ici à la grande manifestation nationale du 14 juin. Ce sera mardi à Paris. Plus que quelques heures pour déclarer vos revenus. Les contribuables ont jusqu'à ce soir minuit pour envoyer leur déclaration au fisc via le site impots.gouv.fr. La barre des 15 millions de télédéclarations a été franchie cette année. C'est un record. L'arrestation d'un Français de 25 ans en Ukraine. Originaire de la Meuse, il a été interpellé en possession d'un véritable arsenal de guerre. Les policiers ukrainiens affirment qu'il voulait commettre des attentats en France avant et pendant l'Euro de football, en visant une mosquée, une synagogue et plusieurs centres des impôts. Un nouveau Super Tuesday aujourd'hui aux États-Unis. Peu de suspense. Donald Trump est assuré d'être le candidat des Républicains à la présidentielle de novembre. Et Hillary Clinton est déjà donnée gagnante pour l'investiture démocrate par les médias américains. Ce que conteste d'ailleurs son challenger, le sénateur Bernie Sanders. Dans trois jours, le coup d'envoi de l'Euro de football. France-Roumanie en match d'ouverture vendredi soir à 21h au Stade de France. Ce matin, 36% des Français interrogés par Odoxa pour l'équipe estiment que les Bleus vont remporter la compétition. Il n'était que 20% en février. Et puis Strasbourg a pris une sérieuse option sur le titre de champion de France de basket. Les Alsaciens ont remporté le deuxième match de la finale Pro A hier à domicile contre Villeurbanne. Ils mènent la série 2-0. Voilà pour l'actu. Très bon réveil. Salut à tous les amis et bienvenue sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis, merci de changer toutes vos habitudes, plus nombreux chaque matin pour être là à nos côtés, 6h-9h30 avec Laura, avec salut. Clément, avec la popo Coucou. Du standard, peut-être en train de nous écouter au travail, à la maison, dans le bus. Peut-être dans le bus, peut-être que vous nous écoutez à Carcassonne. Ah oui. Ligne 3, entre Pointe de Grazaille et l'Espinasse. C'est toujours des noms jolis. Salut à tous, c'est vrai que si je veux. Dans le sud, c'est toujours joli. Pointe de Grazaille, l'Espinasse, je te dis, mon Dieu, la Pinède est là. Oui, Clément. Mais tu les connais toutes par cœur ou tu les as écrites quelque part? Ouais. Non, c'est, ouais, bien sûr, je fais toutes les lignes de bus, c'est ma passion. Et donc celle-ci, elle s'arrête où après? Celle-là après. Voilà. Après, elle va à la Doudounasse. Ouais. La Doudounasse, bien sûr. Et puis, elle finit à la Pinède Enchantée. Ouais, c'est évidemment. Le terminus. Terminus, ouais, voilà. Tout le monde descend en Pinède Enchantée. Bon après-midi. Oui, Pauline au standard. Je vous avais déjà raconté mon anecdote de la blanquette de Limoux à Carcassonne? Non. J'aurais pas dû poser la question. Okay. Parce qu'en fait, je m'en fous. J'en ai. Pour une fois, il n'y a même pas de question. Le parc Astérix, c'est à gagner au 39-16. Vous pouvez joindre justement la popo du standard. Un séjour tout frais payé pour 4 personnes. On a aussi un séjour à la Guadeloupe. Hein. D'ici aujourd'hui, encore un nouvel inscrit pour ce séjour d'une valeur de 5000 euros. Mais pour le moment, à 7h35, on adore ce rendez-vous. C'est le réponse à tout de Clément Lincrus. Tonique. Et ce matin, j'ai demandé aux enfants s'ils aimeraient tatouer quand ils seraient plus grands et quel tatouage ils voudraient. J'amène mes maillots de bain, ma crème et mes habits et surtout de la nourriture, sinon j'aime mourir de faim. Moi, ça serait mon doudou parce que j'adore beaucoup. C'est quoi ton doudou? Il s'appelle Pinouille, c'est un petit lapin trop mignon. Pareil, mon doudou, c'est un éléphant, il s'appelle Fanfan. De quoi pêcher pour me nourrir? C'est quoi de quoi pêcher? Bah, une canne à pêche. Moi, j'emmènerai une photo de ma famille, une grande bouteille d'eau et mon iPad, une carte et une boussole. Moi, mon téléphone, mon ordinateur, mon iPad, tous mes objets électroniques en fait. Moi, j'emmènerai un avion pour revenir chez moi. Bah, moi, je prendrai une lampe électrique et un sac de couchage. Bah, moi, tout simplement, j'irai pas. Moi, j'aimerais emporter ma ville, la ville de la Terre, pour l'emmener sur l'île. Le réponse à tout. Et excusez-nous, les amis, on vous dit le tatouage. Alors, ce sera dans une heure? Ce sera dans une heure. Ce sera dans une heure, le tatouage. Et là, il y a eu un petit problème de bécane, comme on dit, bien sûr, dans le jargon. Et donc, c'était ce que vous amèneriez sur une île déserte. Voilà, vous avez bien compris. Oui. Les enfants font ce qu'ils veulent ici. Et ce sera le cas d'ailleurs demain matin, particulièrement, puisqu'il y a le Virgin Kids Tonic de 6h à 9h30 demain en direct. On fera l'émission avec une cinquantaine d'enfants en face de nous. Ça va être n'importe quoi. Ils seront ingérables, on espère. Ils vont chanter, on va faire plein de trucs, voilà. Émission intégralement avec des enfants demain matin sur Virgin Radio. See ya, Cheap Thrills, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite un excellent réveil. C'est le Virgin Tonic, on est à vos côtés chaque matin. Hi, this is Tia on Virgin Radio. Virgin Tonic. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Baby, I don't need dollar bills to have fun. excellent réveil à vous sur Virgin Radio. Eh, vous l'entendez, la guitare est sortie. Attention, ça va jouer en live ce matin dans les studios de Virgin. L'équipe est là, bien sûr. On vous souhaite beaucoup de courage pour ce mardi. J'espère que tout va bien pour vous. Vous qui êtes déjà sur la route, vous qui êtes encore à la maison. Et alors, au 3916, énormément de gens nous appellent parce que on a un séjour à la Guadeloupe à vous offrir avant 9h30. Et pour le moment, on joue aussi pour un très beau cadeau. Séjour au parc Astérix, tout frais payé pour 4 personnes. Et c'est Alice qui a été tirée au sort. Bonjour Alice. Bonjour, c'est qui ? Salut. Salut Alice, on est ravis de t'entendre. Tu viens d'où Alice ? Je viens de Montreuil dans le 93. Très bien, région parisienne. Alice ? Dis-moi. Est-ce que tu aimerais partir pour 4 personnes au parc Astérix ? C'est pas très loin, mais tout serait payé. C'est pas très loin, mais c'est très bien. Comme tu dis, c'est un super beau cadeau. Et j'aimerais bien emmener mes petits-neveux et nièces. Donc oui, je veux. Hôtel, les restos. Bon, c'est du sanglier, hein, oui, essentiellement. Ah oui. Mais enfin, tout est calé, compte sur nous. Mais pour ça, il va falloir que tu sois forte en maths. D'accord. Et ça va être bien pour tous les enfants, tous les collégiens, les lycéens aussi, hein, qui nous écoutent pour les révisions. Là, et de oui. fin d'année. Eh oui, on va bosser les maths. Laure, oui, Clément, Pauline, c'est parti. Oui. C'est l'addition, chantée, bien sûr. C'est le jeu de l'addition chantée. Le jeu de l'addition chantée. On retrouve notre ami Grégoire Renard, le fils de Bertrand Renard des Chiffres et des Lettres, et de Grégoire le chanteur, bien sûr. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, bonjour. Cher Camille. Vous savez, les chiffres sont l'ADN de ma vie. C'est de l'art, c'est de la poésie, c'est même votre playgame. C'est tout ça, les chiffres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on est ravis de vous retrouver. Alors, c'est vrai qu'on peut s'amuser avec les maths et vraiment, grâce à vous, on s'en rend compte de temps en temps. Absolument, d'autant plus que vous le savez, je fais des additions sur toutes les missions, notamment, je sais qu'il vous reste 1,8 tartines dans la bouche, entre les dents et tout. Ah oui. Absolument. Ouais. Si vous comptez bien, vous verrez que j'ai raison. J'en suis sûr. Alice, ma chérie, on y va. Donc le principe est simple. Des morceaux de que tu connais forcément, mais surtout l'addition. Il faut que tu restes bien concentré et que tu essaies de trouver le bon résultat. On y va. Tout est intégralement filmé sur Facebook. Alors c'est un réseau, on peut rester en contact et tout ça. T'ajoutes des amis et tout. C'est pas à l'abri de faire bouger le monde, ça. Ah ouais ? Ouais, je t'en parlerai. Okay. C'est parti. Attention, filmé sur Facebook. On y va. L'addition chante. 10 plus 10 plus 10, on commence facile. Moins 5 plus 2, ça se pimente un peu. Plus 5, voilà, dis-moi le résultat. 14, 32 ou 1432. Je l'ai, j'adore ce jeu. Je suis en premier degré, je joue vraiment. Et bah écoute, je pense à 32. Ah, j'aurais dit pareil. J'aurais dit pareil. Est-ce que c'est une bonne réponse ? C'est une très bonne réponse. Bravo Alice. Hey ! Bravo ! Merci. 32, hein, 32 qui est la moyenne hebdomadaire de pain au chocolat mangé par notre ami Clément. Oui, or, croissant et tartine beurrée, bien sûr. Sinon, mais parce qu'il se surveille un peu en ce moment, il faut dire. Il y a l'été qui arrive, le maillot. Avant l'été, il veut être canon autour de la pistoche, Clément. Oui, non. C'est aussi mon âge, 32. Ouais, le mien, Laure, le mien. La racine carrée. Ouais. Oh Alice, ma chérie, on y va, deuxième extrait. Il faut que tu retrouves l'addition, c'est parti. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 oh non. Plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Je m'arrête là, alors combien ça fait? 30, 40 ou bien 55? Eh oui, il fallait compter un petit peu sur les doigts, c'était plus facile. Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. Là, vraiment, Grégoire Renard, là, je vous ai connu plus sympa. Un peu piégeux, je suis d'accord, mais de temps en temps, il faut savoir s'amuser avec les chiffres. Mais bien sûr. Mmh. Alice, est-ce que tu as une idée ? Alors, tu peux me redonner les propositions ? 30, 40 ou bien 55 ? On a eu beaucoup, 30, je me souviens. 40 et 55, donc je dirais 55. J'aurais dit pareil. Ouais. Est-ce que c'est la bonne réponse ? C'est la bonne réponse. Oh, ouais. Alors je suis pas un professionnel des maths, Grégoire Renard, mais alors une bonne réponse plus une bonne réponse. Ah, il me semble que 1 plus 1 fait 2, c'est une excellente réponse. Et bah, c'est gagné. Merci, merci. Bravo. C'est génial, je suis trop contente. Et bien tu gagnes ton séjour pour 1 plus 1 plus 1 plus 1 personne au parc Astérix. Tu pour découvrir la nouvelle attraction Discobélix. Ouais. C'est génial. Alors, ah vraiment, le parc Astérix, c'est le truc. Comment dire, les montagnes russes, les manèges. Oui. Ils sont très très fous, quoi. Ah ouais. Franchement, ils font extrêmement peur. En plus, on t'offre évidemment la restauration, l'hébergement. Bien sûr, tu seras chez AG Canonix. C'est là-bas, tu seras hébergé pendant 4 nuits. Et on est très heureux de te faire ce cadeau, ma petite Alice. Franchement, merci. Merci beaucoup. Changez rien. Vous êtes tous géniaux et franchement, une super équipe. Je vous adore. Eh ben, t'es un ange. Merci de nous écouter tous les matins. On t'embrasse. Grégoire Renard, salut frérot. 999 plus 1 merci. Et j'ai le numéro premier. Avicii, Addicted to You. Voilà ce que je vous ai préparé pour le pop rock électro. Merci d'être avec nous. Très bon réveil, merci d'être à l'écoute du Virgin Tonic. Les copains, on est là jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe, bien sûr. Je vous souhaite un très bon réveil, j'espère que cette journée démarre bien pour vous. Tiens, j'ai trouvé la femme qui a le plus marqué la décennie. Alors, je vous explique, c'est la télé américaine qui a fait ce classement. On pouvait voter parmi toutes les actrices. Celle qui est pour, selon eux, la plus belle, la plus influente, celle qui a le plus marqué cette décennie. Donc d'après vous, qui c'est? Laure? Marion Cotillard. Non, américaine. Elle est connue aux États-Unis, Marion Cotillard. Clément? Penélope Cruz, alors. Non. On n'y est pas, on n'y est pas. Meryl Streep, ah, on n'y est pas. Angelina Jolie, oui, c'est une copine, c'est pour ça. Angelina Jojo, la jolie. Eh ben non, c'est Julia Roberts. C'est évident. Ah là là, moi c'est un des fantasmes de mon adolescence. Mais c'est vrai que on se demande si Pretty Woman était passée la veille parce qu'elle a pas fait grand chose de ses 10 ans. Oh, de la plus marquante de la décennie. Quoi, Clément? Là, elle est à l'affiche d'un film avec Julia Roberts, et c'est génial. Elle est trop belle, elle est magnifique. Elle est incroyable. On peut trouver l'âge de Julia. Enfin, regardez comme elle est belle. 45-50. Elle a fait de la chirurgie, je crois pas. Ah non, pas du tout. Elle est belle. Elle s'épile pas sous les bras, elle est contre tout ça et elle est belle et rebelle. Parce qu'au Festival de Cannes, elle a fait un truc qui ne se fait pas, qui est interdit. Elle a enlevé ses talons et elle a monté les marches pieds nus comme une vraie. Elle est belle et rebelle. Quel âge, Julia Roberts? Elle a 49 ans. Ah, 49 ans, elle est belle comme le jour. Et ben voilà. Les amis, merci d'être avec nous sur Virgin. Restez là. Coombs, This Girl. Voilà ce qu'on écoute dans un instant pour le pop rock électro. Je vous paye un loyer aussi à 8h20 en direct et en exclu. Restez dans le coin, les amis, c'est le Virgin Tonic tous les matins. Tentez de gagner des places pour l'Euro 2016 en retirant de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole. Oh, c'est marrant ça. Tu retires des euros pour aller à l'euro? Oui, ou des billets pour gagner des billets. En fait, tu vas retirer

Sur les civières, on pense des blessures infinies. Une rupture animale dire adieu à l'horizontale. En zone de turbulence, on danse. N'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux, on s'aime. Une nuit sur deux, je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Les ragots, les lacènes. Parasite ma boîte crânienne. Pourvu qu'on se souvienne. Pourvu qu'on se souvienne. Pourvu qu'on se souvienne. 8h05, je vous souhaite un excellent réveil à tous. Merci d'être avec nous mardi 7 juin. Aujourd'hui, toute l'équipe est là, bien sûr. Oui. Tous nos journalistes aussi. Alors, on les entend pas parce qu'ils sont dans toute la France. Ils sont plus de 60. Un point sur l'actu dans 5 minutes exactement à 8h. Et puis après, à 8h05, on va découvrir une nouvelle fois votre question de ouf. Quand vous laissez des messages sur notre répondeur, on découvrira tout ça dans un instant. On embrasse, tiens, nos auditeurs de où ? De Montpellier, tiens. Ah, Montpellier, ouais. Puisque on sait où sont toutes les équipes de l'Euro, où seront tous leurs camps de base. Ah ouais, où ça ? Eh bien, sachez que si vous êtes dans Montpellier, vous n'êtes pas à l'abri de croiser l'équipe d'Italie et l'équipe de Suisse. Ah, wow. Sympa. Ils séjournent à Montpellier et à Grammont. C'est juste à côté. C'est sympa. Ouais. J'ai tous les endroits. Vous êtes un auditeur de où ? Vous êtes un auditeur de Bordeaux ? Vous pouvez croiser l'équipe belge. Ah, ça, c'est cool. Les Italiens, moi. Vous êtes à Tours ? Ouais, vous êtes en train de m'écouter à Tours, vous pourrez croiser l'équipe de République Tchèque. Ah. Ah bah c'est... Ouais. Tiens, vous êtes à Saint-Martin-de-Ré. Ouais. Saint-Martin-de-Ré. C'est sur l'île de Ré. Eh bah tu peux croiser l'Espagne. Ah. Ouais, c'est le camp de base de l'Espagne. L'équipe d'Espagne pendant tout l'Euro séjournera là-bas. Vous êtes à Évian-les-Bains. Ouais. Ouais. Mmh. Bah buvez un coup. Vous pouvez, non mais vous pouvez croiser l'équipe d'Allemagne. Ouais. Ah. Pas mal, okay. Hein. Ouais. Bah ouais. C'est génial, oui, Laure. Moi, je vais à Montpellier, je pense. À Montpellier, ouais. Toi, t'aimes bien quelle équipe, Pauline ? Moi, j'adore la Belgique. T'adores la Belgique ? Les Anglais, ils sont où ? Les Anglais, ils sont où ? Ça va pas m'arranger par équipe. Je peux te donner l'Irlande du Nord, là, le reste. C'est pas mal. C'est ah non, ça y est, j'ai. Ah bah, les Anglais, c'est à Chantilly. C'est pas loin. Bah ouais, c'est pas loin. Qu'est-ce qu'on a ? On a quoi ? Slovaquie à Vichy. Ah tiens, la Croatie à Deauville. Ah ouais? Ah ouais? Bon, bah, ça froid, va, hein, le mélange. Eh bah ouais, bah là ils sont là-bas. Oui, ma Ginger, bah, sur Toulouse, les réseaux. À Toulouse, il n'y a personne? À Toulouse! À Toulouse, il n'y a personne! Ah non, bah, tant pis. Non, non, non, Aix-en-Provence, l'équipe ukrainienne. Ah, les plus heureux, ils vont être heureux là-bas. Ah ouais. Ah là, l'équipe d'Ukraine, ils ne sont pas abri de faire une finale avec ça. Les amis, je voudrais qu'on fasse un point mode. Un point mode, j'ai besoin de l'avis de tout le monde. Tiens, je vais prendre plein de monde au standard aussi, vous allez nous donner votre avis, on le fait de temps en temps. On crée des lois dans cette émission qui concernent tous les auditeurs de Virgin Radio. Ouais. D'accord, on se pose des questions, on en fait une loi, c'est vraiment vote, hein. C'est avec vous au 3916 et ceux qui a le plus de votes devient une loi universelle qui concerne nous et tous les auditeurs qui sont avec nous le matin. Clément, pourquoi je sens que c'est pour moi le point mode? On a un souci, Clément, souci. Ça y est, rayon de soleil aujourd'hui sur l'île de France et Clément a ressorti le Bermuda. Bah, non mais Bermuda c'est légal, c'est le pantacourt qui est interdit par la loi française en 2016. Non. Non. Bon. On a eu ce débat avec Clément. Hors antenne, j'ai dit Clément, on peut pas venir au travail en Bermuda. Clément m'a dit je fais ce que je veux, de toute façon je suis le neveu du patron. Voilà. Ce à quoi j'ai répondu, en effet, fais ce que tu veux. Mais on parlait du pantacourt. C'est un peu trop court pour être un pantalon, mais un peu trop long pour être un Bermuda. On est entre les deux. Quarts. Et avec Clément, je vous dis. Moi, je me suis dit, il faudrait légiférer pour interdire les pantalons. Oh, mais non, pourquoi interdire, mais je suis comme ça, je suis entier, moi, madame. Je prends des mesures, à un moment donné, il faut faire des choix. On est là, on sait pas. Alors, on met un pantacourt, j'en ai. On met un pantacourt, on dit, ouais, c'est à la mode, c'est bien, c'est pas machin, on sait pas. Pour une fois, faisons une loi. Voilà. On peut avoir une ambiance de loi, s'il vous plaît. Greffier. On va tous voter avec vous, hein, également au 3916. Et en fonction des votes, on décidera si oui ou non cet été, on a encore le droit de porter des pantacourts. Clément, votre point de vue. Vous savez, je suis pro-Bermuda, je les ai soutenus depuis toujours, mais je dis non aux pantacourts. Pour moi, quelque chose de qui est autre qu'un pantalon ne doit pas descendre en dessous des genoux. Bon. Je suis d'accord avec ça, Clément, je vous rejoins. Est-ce qu'on peut noter greffier Nico du bureau ? Oui. Déjà deux voix contre le pantacourt. Je vais me tourner vers Laure. Laure, Mais moi, je suis pour, je suis contre la censure, je suis contre le formatage et je suis pour la liberté d'expression vestimentaire, monsieur. Liberté, oui. Oh, vous entendez le peuple qui hurle. Et bien sûr, il n'est pas content. C'est parti pour 2 semaines de grève. T'imagines dans la rue. Oui, oh, Pantacourt, on n'a pas le droit d'interdire. Attention, la ratification du décret est en cours, hein, mais peut-être que Pauline va faire changer les choses. On est pour, on est contre le Pantacourt. Ah bah, je suis totalement avec Laure. Moi, vous allez me trouver peut-être trop ouverte, mais je suis même pour le Pantacourt féminin. Je trouve ça très sympa. Il y a des treillis qui sont très cool en mode pantacourt. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça très sympa, ça, et très viril. Très sympa, très viril. Des talons. Ouais. Donc là, c'est l'égalité parfaite. Je vais me tourner vers Cécile. Cécile, sois la bienvenue sur Virgin Radio. Merci Camille. Cécile, ma belle, je vais te demander, la question elle est très importante. Est-ce que tu es plutôt pour ou contre le pantacourt? Alors moi je suis plutôt contre. Bravo. Contre le pantacourt, tu rejoins la team Combal, tu rejoins la team Winner, tel qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux. Merci. Frédéric, pour ou contre les pantacourts? Bonjour Camille, et ben moi je suis comme Clément, complètement contre. Oh. On est à 4 voix, j'ai jamais perdu. Toutes les lois que j'ai lancées ont été votées. Oui. En même temps, c'est toi qui décides. J'ai le Sénat dans les mains. House of Cards. Cathy, ma chérie, est-ce que t'es pour ou contre le pantacourt? Salut Camille et l'équipe. Alors écoutez, je demande l'attention du peuple. Je suis contre le pantacourt. Wow. Et pour une raison très simple, excusez-moi, c'est que le pantacourt est souvent mal coupé. Ça donne des mollets énormes. Et ça donne toujours l'impression aux hommes d'être des gnomes, quoi, court sur pattes. Voilà. Enfin, ça nous donne un air court sur pattes. Je suis d'accord avec la catoche. Non. Si, je suis d'accord avec Katoche. On va faire. Émilie, tiens, dernière voix, est-ce que tu es pour ou contre les pantacourts? Salut Camille, ah bah moi je suis 100% pour. Ah. Merci. Tu arrives un peu tard dans le débat, ma grande. J'ai l'impression. On a combien de voix, Nico, du bureau? Il y en a 5 voix contre, 3 voix pour. Il y a un amendement qui pourrait être créé avec des poches sur les côtés. Ah, exactement. Ça, ce sera voté. Eh bien, les amis, vous l'avez compris, une nouvelle loi vient d'être légiférée. Et donc, dorénavant, si vous êtes auditeur du Virgin Tonic, on ne doit plus porter de pantacourt. Ça vaut pour vous, l'équipe, les filles, oui, Laure. Mais c'est une dictature, monsieur. Lynchage médiatique. C'est la dictature du style, tout simplement. Ça vous plaît pas, 49-3, il n'y a pas de vote à l'Assemblée. Ma loi, elle passera, quoi qu'il arrive. Je suis prêt à revoir un petit peu l'article 2, si vraiment je bloque tous les halles aux chaussures et tout ça, qui est une vraie grève. On va être embêtés pendant l'euro. Merci à vous tous, les amis, d'être avec nous au standard au 39-16. On va revenir dans un instant. On fait un point sur l'actu. J'espère qu'on n'a aucun journaliste en pantacourt à l'heure actuelle. Les coups qui arrivent, ne bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. Il y a désormais 15 départements en alerte ce matin. Une vigilance aux orages et aux inondations dans le nord, les Ardennes, le centre ou encore la région parisienne. L'Île-de-France où 3000 foyers restent sans électricité alors que le pic de crue est attendu ce mardi dans l'Essonne. L'incendie d'un immeuble hier soir à Saint-Denis. Le bilan est lourd. 5 morts, 2 blessés graves et 9 blessés légers dont 3 pompiers. Un sinistre dont l'origine n'a pas encore été déterminée. 7e jour de grève d'affilée à la SNCF. Les cheminots restent mobilisés pour la défense de leurs acquis sociaux. Un projet d'accord sur le temps de travail est désormais sur la table et ouvert à la signature. Pour l'heure, le trafic sera encore perturbé ce mardi avec seulement 2 TGV sur 3 et 6 TER sur 10. Un sondage BVA indique que 54% des Français désapprouvent la poursuite de ces grèves. Record battu, plus de 15 millions de contribuables ont télédéclaré leurs revenus cette année, c'est du jamais vu. Si vous ne l'avez pas encore fait, attention, la limite c'est ce soir minuit sur impots.gouv.fr. Une télédéclaration rendue obligatoire cette année pour les revenus supérieurs à 40 000 euros. Les Français consomment moins d'alcool à cause de la crise et du mauvais temps, selon le Crédoc, l'étude dévoilée ce matin dans le Parisien. Les Français en moyenne, hein, Pauline est au taquet. Une étude qui montre en tout cas une baisse de fréquentation des bars l'an dernier et une chute de la consommation à domicile. Ce sont les Tchèques qui boivent le plus en Europe, les Français sont 4e et les derniers ce sont les Italiens. Un Français de 25 ans arrêté avec un arsenal de guerre en Ukraine. Les enquêteurs ukrainiens assurent qu'il prévoyait une quinzaine d'attentats en France à la veille et pendant l'Euro de football qui débute, vous le savez, vendredi. Parmi les cibles envisagées, une mosquée et une synagogue. Un nouveau Super Tuesday aujourd'hui aux États-Unis. Donald Trump est quasi assuré d'avoir Hillary Clinton comme adversaire démocrate à la présidentielle de novembre. L'ancienne colocataire de la Maison Blanche a été déclarée gagnante des primaires par les médias. Et puis la ville américaine de Louisville prépare les obsèques de Mohamed Ali. Elles auront lieu vendredi et c'est Will Smith, entre autres, qui portera son cercueil. Il avait joué le rôle de Cassius Clay en 2001. les basketteurs alsaciens à une victoire du sacre. Strasbourg a surclassé Villeurbanne hier 73-61 lors du deuxième match de la finale de Pro A. Le titre se joue au meilleur des 5 rencontres en menant la série 2 victoires à 0. Les Alsaciens n'ont donc plus qu'un match à gagner pour être sacré champion de France. Et ce sera peut-être dès jeudi soir à Villeurbanne. Voilà pour l'actu. Tout de suite, vous retrouvez Virgin Tonic avec Camille Combal, Laure Pauline, Ginger, Nico et Clément. Très bon réveil avec nous. Merci d'être avec nous aussi nombreux sur Virgin Radio tous les matins 6h-9h30. On est en direct avec vous et c'est un bonheur de vous retrouver chaque matin à 8h04. Évidemment, en ce mardi 7 juin, on pense à tous les gens qui viennent de démarrer le travail. C'est parti, qui sont encore un petit peu en retard peut-être là, mais qui commencent à 8h. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Évidemment, dans un instant, pour vous donner le sourire, j'ai un loyer à vous payer. C'est 4 fois par matinée, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. N'hésitez pas à vous inscrire, un SMS suffit, loyer au 7 12 13, et vous passerez peut-être en direct sur l'antenne. Un mois de loyer remboursé, un mois de mensualité de crédit si vous êtes propriétaire comme Fabien de la Garde dans le Var. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Vous aussi, tentez votre chance, ça vous donnera un bon coup de main, je le sais, pour ce mois de juin. Kungs, This Girl, il était en live avec nous il y a quelques jours dans ce studio. Il arrive, c'est un des tubes de l'été, vous le savez, hein, son morceau This Girl. Ça va arriver, mais à 8h05, bien sûr, on est impatients chaque matin de retrouver la question de ouf quand vous laissez des messages sur notre répondeur et vous nous faites beaucoup marrer chaque matin. La question de ouf. Et la question, elle était compliquée ce matin puisqu'on vous a demandé quels sont les avantages d'être en couple l'été. Alors moi, j'adore être en couple l'été parce que mon mec attire tous les moustiques. Donc fini la citronnelle, j'ai même pas besoin de me protéger, je suis jamais piquée. C'est d'avoir toujours une paire de mains pour nous passer la crème sur le dos et nous faire un petit massage au passage. Parce que quand je suis dans la piscine et mon mari sur le transat, il peut aller me chercher à boire, une glace, mon magazine, dans la maison. Je vais pas tout mouiller quand même. Ça permet de jouer aux raquettes de plage. Ben oui, il faut être deux. Pourquoi c'est mieux d'être en couple l'été? Bah parce que t'as pas besoin de t'embêter à faire du sport avant. Comme ça, si on se fait draguer par des gros lourds sur la plage, on peut leur dire « Non, mais en fait, mon copain est à côté, donc fous-moi la PCP. » Bah moi, à la place du vélo, je fais du tandem, ça me fatigue pas, et c'est ma chérie qui pédale. Parce que au moins sur la route, t'as quelqu'un sur qui remettre la faute ou sur qui gueuler, tout simplement, quand tu t'es trompé de chemin. Question de ouf. Merci à vous tous pour vos réponses. 8h06, Kungs, vous êtes sur Virgin Radio et on est en direct à vos côtés jusqu'à 9h30. On prend soin de vous. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Now how that be and our Merci à vous tous, bienvenue dans le Virgin Tonic. Merci d'être là les amis, peut-être en train de déposer vos enfants à l'école, votre ado, en train de le déposer devant le collège, enfin à 200 mètres du collège, ouais, sinon c'est la honte pour lui. Non mais c'est mieux là papa, t'embête. Les amis, on est tout cœur avec vous, en tout cas on est très heureux d'être là. Un loyer à 8h20, vous le savez, l'équipe à mes côtés bien sûr. Oui, ouais. Alors et demain, émission exceptionnelle, le Kids Tonic entre 6h et 9h30 en direct, vous retrouverez évidemment, tout sera filmé intégralement, les images seront disponibles et puis surtout, écoutez, je pense qu'on va beaucoup se marrer puisqu'on sera avec 50 enfants pendant toute la matinée, 50 enfants, une immense garderie et surtout le plus important c'est ça, c'est qu'ils participeront à toutes les missions, ils réagiront à tout ce qu'on dit, ils chanteront, il y aura l'école des fans, il y aura plein de choses les amis, c'est vraiment une émission à ne pas rater demain matin, toute l'équipe doit arriver avec un gâteau. Ouais, ça c'est ouais. Cool. Laure va aller, elle est gentille quand même, hein. Elle vous accueille à la maison, elle va au supermarché tout à l'heure, Laure, ouais. Et elle vous achète tous les trucs, mais attention, Laure, t'achètes et tout, mais c'est eux qui font leur gâteau. Ah oui, mais vous me remboursez. Oui. Non, je suis plaisante. Bah, bien sûr que c'est eux qui font leur gâteau. Mais je vais les briefer quand même, parce que Clément, il faut pas le lâcher dans une cuisine. Bon, faut pas me lâcher dans un supermarché, surtout. Ah bon? Ah bon? Non, je supporte pas. Pourquoi? Il y a trop de relous. Bah, il y a des. Non, mais pas des... c'est pas des relous, mais c'est vrai que quand tu vas au supermarché, vu que c'est pas ma passion. Tu t'énerves, enfin je m'énerve tout seul, mais vous savez ce gars là par exemple qui prend les tomates et qui les touche toutes pendant 25 minutes. Ah, ça m'énerve ça. Et toi t'essaies de les repérer parce que tu dis quoi qu'il arrive, j'achèterai pas celle-là, même si je vais la laver, celle qu'il a touchée, je la veux pas. Ouais. Donc t'essaies de retenir toutes celles qu'il a touchées pour prendre celle d'en dessous, Clément. C'est pas lui le pire au supermarché. Le pire c'est celui qui se met juste derrière toi dans la file d'attente et qui soupire fort parce que ça avance pas et tu peux rien. Tu sais, qui est juste collé à toi et qui fait. Non, c'est pas lui le pire. C'est qui le pire? Le pire? C'est celui qui va à une caisse moins de 10 articles avec 12 articles. Oh, il y a des règles, Pauline. Ton hôte, tu te le gardes, ok? Il y a des règles. Et les rebelles. C'est fait pour qui les règles? Ben pour les idiots. Ben pour les gens qui sont pas rebelles. Moi j'aime bien. J'en fais partie des gens pas rebelles. Moi je passe à 11 articles, je suis pas bien. Je préfère le voler que de dire ah ben il y en avait 11 et tout. Je suis pas bien avec 11 articles. Il y a des règles, Nico du bureau. Je me suis toujours demandé d'ailleurs, est-ce que deux boîtes de Benko c'est un seul article ou pas? Et c'est deux articles? Bah non, ah bah bien sûr, c'est le même article. Ah, ça dépend s'il y a le sparadrap autour qui fait que mais non, ça mais ne c'est fait qu'un. Deux boîtes de Benko, c'est deux articles. Ah, bien sûr. Moi, des fois, avec ma chérie, on passe l'un après l'autre à la caisse point 10 articles avec 20 articles du coup. Wow. Ollie and Clyde. Je vais me faire arrêter. Oh là là. Non, pas encore. Le gars qui scanne tout avant de les mettre dans le sac, on en parle de ce gars? Ouais, mais il scanne tout et il commence à faire ses sacs après, t'attends 20 minutes. Ah ouais. C'est impossible. Qui t'énerve au supermarché, Pauline? Celui qui pense que le caissier veut le voler. Donc il vérifie toute la liste de ce qu'il a acheté. Il dit, vous m'avez fait la réduc sur les deux packs de lessive. Et je suis là, mais il veut pas te voler, il gagne pas d'argent. C'est pas possible ça. C'est toi ça, Laure? C'est tellement bon. Je supporte pas quand il y a des promos et qu'ils te les passent pas à la caisse, c'est insupportable. Ouais, mais le temps de vérifier, tu bloques tout le carrefour. Ouais, mais non, mais on se fait trop avoir, j'en ai marre moi. C'est pas possible. Laure, elle doit être insupportable quand elle fait les courses. Julie, ma chérie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'agace aussitôt au supermarché? Salut, ma chérie. Salut tout le monde. Oui, alors moi, c'est le mec qui est devant toi et qui voit que tu tends le bras pour avoir la séparation. Tu sais, le truc qui sépare les courses. Oui. Et qui fait style, non, j'ai rien vu. Il est à 3 km, tu te débrouilles. Il veut pas t'aider. Non. Mais j'ai une très bonne solution pour ça si vous aimez le chocolat. Quoi? Achetez du Toblerone et ça fait client suivant. Faut acheter le gros, quoi. J'ai toujours une astuce. Oh là là. Vous achetez du Toblerone, vous le posez, ça fait client suivant. Toblerone suivant. Tu m'as changé ma vie, là. Eh ben voilà, si je peux vous aider, voyez, j'ai toujours une petite astuce pour vous, les amis. Restez avec nous sur Virgin Radio. Boulevard désert, Bruxelles, voilà ce qu'on va écouter dans un instant. Puis surtout, on va payer votre loyer. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Je vous souhaite bonne chance à tous. On aura, quoi qu'il arrive, un tirage au sort dans quelques minutes. Excellent réveil. Salut, c'est Magali de Beauté Blog.

si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. À vous tous sur Virgin Radio, 8h24. Un grand merci d'être avec nous tous les matins, 6h-9h30, l'équipe est là. Oui. Dans un instant, un point sur l'actu avec tous nos journalistes en France qui vous ont préparé ça, une actu près de chez vous, savoir comment vous serez impacté par les grèves, les régions encore en alerte orange avec les inondations, tout ça, vous saurez tout grâce à nos journalistes. Et puis attention, réponse à tout de Clément Lincrus qui arrive aussi, où il pose des questions aux enfants. Demain il y en aura pas, on les fera en direct puisque demain c'est le Kids Tonic. Ouais, Virgin Kids Tonic. Eh ben ouais les amis, émission entièrement avec des enfants. On sera là à cette heure-ci et depuis 6h en direct avec 50 enfants qui réagiront à tout ce qu'ils veulent. On fera plein de jeux avec eux. On les fera chanter pour l'école des fans. Ça va être une matinale exceptionnelle. Oui, Laure. Vous savez qu'on s'éclate 10 fois plus avec les enfants qu'avec les adultes. Ah bon? Ah mais vraiment 10 fois plus. Vous allez voir. Demain, on va se régaler. Soyez là à 6h et bien sûr, hein, tout sera filmé. Vous pourrez tout voir bien sûr sur virginradio.fr. Vous serez avec nous dans le studio. On a tout transformé. Bon, pas celui-là. Hein. On va dans un grand studio en public et on a tout transformé comme une immense salle de jeu. C'est génial. C'est la grande récré. Ils feront l'émission, ils seront dans la grande récré, quoi. Nico du bureau. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la fête de l'école de c'est notre kermesse. C'est la fête de l'école. Genre, on va se déguiser. Et nous, on sera déguisés. Ah, oui. Je sais pas. Hein, je sais même pas pourquoi je serai déguisé, mais on sera tous déguisés. Vraiment, ça va être une matinale géniale demain. Je suis impatient d'y être. Ce soir à la télé, les amis, recherche appartement ou maison. Stéphane Plazou, de retour. J'adore cette émission. J'adore. Je sais pas pourquoi, je suis pas passionné d'immobilier, je suis pas passionné de recherche, je suis pas passionné de maison. Ouais, mais t'as un appart. J'ai un appart, je sais pas. Joue. Cette mais émission, elle me passionne. Mais c'est lui qui donne le ton de ce truc-là. Mais même, j'aime bien savoir comment, tac, tac, ils aiment bien cette maison, finalement, ils se chauffent sur l'autre et tout. Ça me. Je suis dedans, quoi, je suis à fond, quoi. Ouais. Oh là là, ça m'en fout Clément. Moi, ça me rappelle quand je suis arrivé à Paris que je cherchais différents apparts. Quand t'es arrivé avec ton petit canif de poche là. J'ai visité plusieurs apparts et je peux dire le premier que j'ai pris. Ah, moi il était horrible. Eh ben j'aurais adoré qu'il soit là parce qu'il y avait des soucis quand même. Ah, moi il était horrible, il y avait un bidet moi. Oh. Ah, il faisait 11 mètres carrés l'appartement avec une salle de bain qui faisait même pas un mètre carré. Mais dans la salle de bain, ils avaient réussi à caler un bidet quand même. C'est pratique. Mais la douche était plus petite que le bidet. Alors bidet, non mais ça sert plus à rien le bidet. Ah si, pour se laver les pieds et par oui. exemple. Ouais. Ah ouais, bah il y a la douche. Ah oui, ouais, tu peux pas faire un. Non, mais je sais pas, demain t'as un manoir, t'as envie même de te faire une pièce bidée, tu fais ta vie. Dans 11 mètres carrés, tu vois, t'as peut-être des trucs mieux à faire qu'un bidet. Tu vois, genre mettre un frigo, quoi. Non, mais en vrai, le frigo il était à l'étage au-dessus, il pouvait pas rentrer en bas, donc il était genre cloué au mur. Et un bidet, Pauline au standard. En vrai, moi ça me dégoûte un peu parce que c'est l'endroit où les gens faisaient pipi. Avant. Mais se nettoyer. Se laver après avoir fait pipi. Ou se laver après avoir fait pipi, pardon. Non, non, sinon on faisait pas pipi, non, bien sûr. Non, il se lavait. Ce serait tellement sympa. Les canapés, ça me dégoûte. C'est là où les gens ils faisaient pipi, non? Non. Personne fait pipi sur son canapé. Oui, Nico du bureau. Mais surtout en plus, maintenant, tu peux plus le remplacer ton bidet. Tu vas chez Leroy Merlin, il n'y a plus de rayon bidet. C'est fini en fait. C'est fini le rayon bidet, c'est terminé, c'est le Moyen-Âge, mon grand. Alors quel intérêt de mettre un bidet, un truc comme ça? J'avais les toilettes du coup sur le palier, moi. Ça, c'est le mieux. C'était ce qu'on appelait les chambres de bonne. Croyez-moi, vous croyez pas beaucoup de bonnes dans ce endroit. Et donc, tu allais sur le palier d'en face. Et donc, s'il y avait quelqu'un, c'est pas comme quand il y a quelqu'un de ta famille de ah, ok, pas grave, je repasse. C'est que c'est un étranger à qui t'as jamais parlé qui est dans les toilettes que tu vas utiliser. C'est difficile, hein, Clément. Moi, dans mon premier appart, si je mettais le grille-pain et le micro-ondes en même temps, les plombs sautaient. Ça, c'est horrible. C'est-à-dire, si tu choisis entre manger chaud ou dégriller. Il faut monter l'ampérage, ça. Tu connais rien. Avec une main proprio, ça. Faut que tu rien dormes. Ton premier appart, là. Ah ouais, mon premier appart, il avait que des défauts. Mais le pire défaut, c'était que j'avais le frigo dans le couloir, puisque ça rentrait pas dans la cuisine, qui elle-même était un couloir. Ah, donc c'est dans le couloir, ton appart, c'était le frigo. Qui était, en fait, mais par contre, c'était bien pour les petits copains de l'époque. Parce que quand ils venaient dans ma cuisine, c'était sûr qu'il se passait un truc, quoi. Ah bon? Bah oui, parce que en fait, vu que c'était un couloir, pour passer, il fallait faire oh pardon, excusez-moi. Ah, et ça a dégénéré. Ah ouais. Il en faut pas beaucoup alors. Du coup, c'est passé des trucs avec le proprio, le moi. Tous les gens qui sont passés, quoi. Ah ben, alors, hein, tous ces ex, peut-être, qui sont en train de nous écouter là, ça avait pas l'air d'être la fille la plus difficile. Hein. Donc, ils passaient derrière, ça en fallait dire oh pardon, et boum, il se passait quelque chose. Frère. Ah bah à la station essence, tu voulais passer juste pour acheter les câbles, vous savez, pour redémarrer votre voiture. Pardon madame, ils sont juste là. Ok, bah ça va. Ah nous deux, mon gros gaillard. Un peu facile, hein. Mais non. Magali, ma chérie, est-ce que t'as un mauvais souvenir, un truc de ton premier appart, toi aussi? Salut ma belle. Salut tout le monde. Moi, c'était dans ma salle de bain, en fait, il n'y avait pas de, tu sais, la petite aération là. Et donc, du coup, ça fait que dès que je prenais une douche ou un bain, c'était un sauna. Et du coup, il y avait des murs, ça transpirait de l'eau. Enfin, la peinture, elle tombait et tout. C'est pas très pratique, quoi. Tu veux parler d'une VMC? Ça doit être ça. Ouais, c'est VMC. Ouais, je fais un petit peu le jargon, hein. Droit de recherche, moi, appartement, maison. Bah ouais, le truc, c'est pas bon, ça. Sinon, ça s'aère pas, bien sûr, Clément. Mais quand les murs transpirent, c'est jamais bon signe. T'imagines s'ils devenaient tout rouges, comme nous quand on fait du sport. Non, mais l'odeur, c'est l'odeur. Ils sentent la transpite. Les gars, c'est pas possible. Ils sont essoufflés. Tu sais, tu prends ta douche, t'entends. C'est pas possible. Non. Jérôme, ben non, je sais que c'est pas possible. Jérôme, est-ce que toi aussi t'as eu un défaut à ton premier appart, mon poteau? Ah bah le défaut de mon premier appartement, c'est que le mur avec le voisin était tellement fin que je pense que quand il toussait, je l'entendais. Ah ouais, c'est bien. Relativement pratique. Bon, par contre, le principal intérêt, c'est que le jour de match, ça faisait stéréo, quoi. Ouais, il y avait pire, j'avais mis le lave-vaisselle, et enfin, c'est pas moi d'ailleurs, mon proprio, et il y avait le tiroir à couvert juste au-dessus. Donc chaque fois que ça tournait, c'est horrible. Insupportable. Quincaillerie. Quincaillerie. On peut pas, oui Clément. Moi j'ai ça dans mon appart, mais il y a un décalage d'une seconde, et pour les matchs c'est horrible. Des fois, tu sais, quand il y a vraiment des gros événements, t'entends ouais. Et après tu regardes et tu fais but. Ah, tu te dis Chaque fois t'es décalé. Ah ouais, c'est ça. C'est horrible. Spoiler. Ah ça. Ouais, spoiler alerte. Exactement. Merci ma petite Magoune. Merci mon Jérôme d'être avec nous au 3916. On fait un point sur l'actu tout de suite, et c'est Calvin Harris qui arrive pour le pop rock électro qui vous réveille chaque matin sur Virgin Radio. Excellent réveil à vous. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, Météo France a placé 8 départements en alerte aux orages pour ce mardi dans les Hauts-de-France, en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Une vigilance qui s'ajoute à l'alerte aux inondations maintenue dans 7 autres départements, en Normandie, en région parisienne ou encore en région centre. Ce sera plus calme et plus ensoleillé sur l'Atlantique et la Méditerranée. Ce matin, la décrue de la Seine se poursuit lentement. Vigilance particulière notamment à Corbeil-Essonne où la rivière Essonne se jette dans la Seine. Les inondations de ces derniers jours ont fait 4 victimes et probablement plus d'un milliard d'euros de dégâts. 3000 foyers restent encore privés d'électricité en Île-de-France. Manuel Valls a annoncé un fonds d'extrême urgence pour les sinistrés ayant tout perdu. La mort de 5 personnes dans un incendie hier soir à Saint-Denis. Le feu s'est déclaré pour une raison inconnue dans un immeuble. 2 autres occupants ont été grièvement blessés. Un bilan auquel s'ajoutent 9 blessés légers, dont 3 pompiers. Les recherches se poursuivent. Nouvelle journée de galère dans les transports. Les cheminots poursuivent leur mouvement de grève. 7e jour de bras de fer. Le trafic va rester perturbé avec en moyenne 2 TGV sur 3 et 6 TER sur 10 ce mardi. En fin de semaine, ce devrait être les pilotes d'Air France qui se mettront en grève. L'intersyndicale appelle, elle, à renforcer la mobilisation d'ici à la grande manifestation nationale du 14 juin à Paris. Plus que quelques heures pour déclarer vos revenus. Les contribuables ont jusqu'à ce soir minuit pour envoyer leur déclaration au fisc via le site impots.gouv.fr. La barre des 15 millions de télédéclarations a été franchie cette année. C'est un record. L'arrestation d'un Français de 25 ans en Ukraine, originaire de la Meuse, il a été interpellé en possession d'un véritable arsenal de guerre. Les policiers ukrainiens affirment qu'il voulait commettre des attentats en France avant et pendant l'Euro de football. Un nouveau Super Tuesday aujourd'hui aux États-Unis. Peu de suspense. Hein. Donald Trump est assuré d'être le candidat des Républicains à la présidentielle et Hillary Clinton est déjà donnée gagnante pour l'investiture démocrate par les médias américains. Et puis on l'a appris il y a quelques minutes, une explosion a eu lieu ce matin à Istanbul, en Turquie. Les médias turcs font état de plusieurs victimes. Pas plus de précision pour l'instant. Dans trois jours, le coup d'envoi de l'Euro de football. France-Roumanie en match d'ouverture vendredi soir à 21h au Stade de France. Ce matin, 36% des Français interrogés par Odoxa pour l'équipe estiment que les Bleus vont remporter la compétition. Il n'était que 20% en février dernier. Et puis Strasbourg qui prend une option sur le titre de champion de France de basket. Les Alsaciens ont remporté le deuxième match de la finale pro hier face à Villeurbanne. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. À vous tous, 8h33, belle matinée. Merci de démarrer si nombreux, 1 800 000 Français, si nombreux vos journées avec nous, avec le Virgin Tonic. Ça nous fait tellement plaisir, c'est un kiff d'ouvrir les yeux à 5h, d'être là dès 6h du mat avec vous et jusqu'à 9h30 chaque matin. Toute l'équipe est là, bien sûr. Oui, bonjour, je suis Clément et pour ceux qui l'ignorent, je suis italien et blond vénitien par où. Bien sûr. Salut, c'est Pauline, j'aime les chats, l'alcool et les mecs qui ont des prénoms de charcuterie. Salut, c'est Camille. Salut, c'est Laure et je crois que j'ai réussi ma vie, j'ai une fille formidable. Formidable, un mari généreux, merveilleux, ça m'énerve. La copine qui aime pas le bonheur de l'autre. Ça l'énerve. Bon bah écoute, excuse-moi d'être heureuse. Hein. Bah pardon, hein. Non, moi de te jeter mon bonheur à la gueule. Hein. Les amis, vous rêvez de Guadeloupe, vous rêvez de soleil, vous écoutez la bonne radio, on vous gâte tous les matins, on veut vous envoyer au soleil. On a un séjour magnifique cette semaine d'une valeur de 5000 euros, tout frais payé, hôtel 4 étoiles, le transport, bien sûr, toutes les activités là-bas. Il suffit de vous inscrire maintenant au 3916 et vous pourrez jouer avec nous. D'ailleurs, on va prendre plein de monde au standard parce qu'on va rejouer au qui est qui. Ouais, ça c'est trop bien. Donc on va passer des gens et vous devrez deviner quelle est leur profession en fonction de leur voix. J'adore. Si vous avez au moins deux bonnes réponses, eh bien vous gagnez une GoPro et vous serez inscrit pour ce grand séjour en Guadeloupe qu'on vous offrira vendredi matin. Le pop rock électro de Calvin Harris qui arrive dans un instant, mais pour le moment 8h35, le réponse à tout. Tonic. Réponse à tout. Le réponse à tout, c'est quand je descends dans la rue, je pose des questions aux enfants. S'ils veulent pas répondre, je leur donne de l'argent, puis ils répondent. Et là, la question que je dois répondre, c'est qu'est-ce que tu amènerais sur une île déserte? J'amène mes maillots de bain, ma crème et mes habits. Et surtout de la nourriture, hein, sinon j'aime mourir de faim. Moi, ça serait mon doudou parce que j'adore beaucoup. C'est quoi ton doudou? Il s'appelle Pinouille, c'est un petit lapin trop mignon. Pareil, mon doudou, c'est un éléphant. Il s'appelle Fanfan. De quoi pêcher pour me nourrir? C'est quoi de quoi pêcher? Bah, une canne à pêche. Moi, j'amènerai une photo de ma famille, une grande bouteille d'eau et mon iPad, une carte et une boussole. Moi, mon téléphone, mon ordinateur, mon iPad, tous mes objets électroniques en fait. Moi, j'amènerai un avion pour revenir chez moi. Bah, moi, je prendrai une lampe électrique et un sac de couchage. Bah, moi, tout simplement, j'irai pas. Moi, j'aimerais emporter ma ville, la ville de la Terre, pour l'emmener sur l'île. Le réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Et demain, le réponse à tout sera en direct puisqu'on organise le grand Kids Tonic avec une cinquantaine d'enfants qui participeront à toute l'émission. Ça va être exceptionnel et les images seront sur virginradio.fr. Calvin Harris, This is what you came for. Excellent réveil sur Virgin. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Bon réveil à vous tous, belle matinée, 8h39. Vous êtes sur Virgin Radio, mardi 7 juin, et alors il y a Clément, il y a Pauline. Coucou. Et il y a surtout un séjour magnifique à la Guadeloupe à gagner. Vous vous inscrivez tous les matins, 39-16, non seulement vous repartez avec une GoPro, ce qui est déjà un très beau cadeau, et en plus, vous êtes inscrit une chance sur 4, donc on aura 4 gagnants dans la semaine, une chance sur 4 de repartir avec le séjour en Guadeloupe. Vendredi matin, 5000 euros, voilà la valeur de séjour, hôtel 4 étoiles. Aurélien a déjà gagné son inscription, c'était hier, et ce matin, c'est peut-être Céline qui va gagner. Bonjour Céline. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Salut. Céline, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une boîte d'intérim en fait, je recrute, chargée de recrutement. En vrai tu recrutes? Ouais. Mais et tu sais quoi, t'es la candidate parfaite pour le jeu qui arrive. Ah ouais, ah ouais. C'est qui? Mais parfaite. Ouais, c'est vrai. En vrai c'est le hasard du tirage au sort, mais t'es la candidate parfaite ma Céline. Tu viens d'où? Ouest Carl, bien sûr, ça sent le sud de la France. Hein. Là, on est. Non, évidemment, dans l'Est. Et ma petite chérie, attention, on y va. Oui, non, mais je sais, c'est pas. Non, je sais plus si c'était l'Est ou le Nord, Ouest Carl. Céline? Oui. Tu sais pas non plus, apparemment. Tu sais où tu habites? Oui, Ouest Carl, dans le Nord, mais oui, mais est-ce je que sais pas. Est-ce que tu as des papiers, Céline, à l'heure actuelle? Si t'es là pour essayer de trouver un mariage blanc, dis-nous-le tout de suite. On va te trouver quelqu'un. Tu peux nous faire confiance, on est toujours les gens. Mais on préfère que tu montres pas ton blanche. Non. Ma petite Céline, attention, on y va. Jingle, c'est le jeu du qui est qui. Tu bosses dans l'intérim et tu vas vite le comprendre. Le qui est qui, c'était un jeu très célèbre dans les années 90-2000. Le principe est simple. Je vais te faire, alors on a plein de monde hein, au standard, on en a retenu 3 qui vont nous aider à faire ce jeu. Ok. Je vais te présenter Aurélie, Fred et Greg. Salut tous les 3. Salut. Pourquoi c'est idéal que tu sois en intérim, dans l'intérim, excuse-moi, ma Céline est recruteuse, puisque on va pas te donner leur profession. Je vais simplement te donner les 3 professions des personnes qui sont là et il va falloir que tu les remettes sur le bon prénom. D'accord. Wow. Parmi Aurélie, Fred et Greg, on a un coiffeur ou une coiffeuse. Oui. Un plombier, ou une plombière. Mmh. Ou un facteur ou une factrice. Mmh. D'accord. 3 métiers. Tu auras le droit de leur poser une question chacun. Évidemment, pas quel est ton métier. C'est un peu facile. Tu as le droit de leur poser une question chacun. Si à la fin, tu as retrouvé les 3 métiers, eh bien, c'est gagné. Ok. D'accord. Pas simple, hein. J'adore ce jeu, mais il est pas simple. C'est très dur. On entend d'abord les 3 voix avant de poser une question, c'est ça? On va entendre d'abord les 3 voix. Comment ça va, Aurélie? Super, impeccable. Je suis content de t'entendre, ma chérie. Tu viens de quelle région? Alors, moi, de vers Lyon. D'accord, tu restes avec nous. Céline aura le droit de te poser une question dans un instant. Fred, comment tu vas, toi? Bah, écoute, impeccable. Quel âge il a, Fredo? Quel âge il a, Fredo? Il a 37 ans. 37 ans, très bien. La fleur de l'âge, là, t'es en pleine bourre, toi, je te sens. Et puis, il y a Greg qui est là aussi. Salut, Greg. Salut, l'équipe. Salut, Greg. Voix de l'over, le Greg. Voix de l'over, on aime ça. Greg, Fred, Aurélie, vous allez chacun votre tour avoir une question de Céline. Et l'un d'entre vous est coiffeur, l'un d'entre vous est plombier, l'un d'entre vous est facteur. Céline, je te laisse poser une question à Aurélie. Alors, Aurélie, est-ce que tu travailles avec des ciseaux? Ah non, mais non. Non, tu sais quoi? T'as le droit à ta question. Je te dis juste un truc, hein. Les facteurs ont des ciseaux aussi et les plombiers, ils peuvent en avoir aussi. Ils en ont, bien sûr. Je peux répondre, c'est bon? Oui. Aurélie, tu réponds tout ce que tu veux. Eh ben oui. Eh bien, d'accord. Oui. D'accord. Mais je peux travailler avec autre chose aussi. Voilà. Des brosses, par exemple. Des brosses. Si elle est coiffeuse. Non, mais attendez, on peut imaginer ça. Moi, je n'en sais rien. Attention. On continue maintenant, t'as droit à une question avec Fred. Je rappelle que rien qu'à la tonalité de la voix et en une question, tu dois retrouver leur profession. D'accord. T'es avec Fred. C'est qui? Là, c'est Fred maintenant. Fred. Est-ce que tu travailles avec des tuyaux? Alors, est-ce qu'il t'arrive de passer sous l'évier? Deux ans. On passe sous le bureau, on peut passer sous l'évier aussi, il n'y a pas de raison. Ça m'arrive, effectivement, ouais. Ça m'arrive. D'accord. Ça peut m'arriver. Moi, je trouve que tu poses des questions dangereuses parce que ça peut être aussi dans l'intimité. Ouais. Greg, il m'arrive de passer sous l'évier, je fais tomber un truc, je répare mon évier. Ça m'arrive. Ah ouais. Eh ben oui, les amis. Ouais. Céline, je te laisse avec Greg. On peut passer à la casserole sans être cuisinier. Exactement, mais bien sûr. Alors, Greg, est-ce que tu travailles

Le nouveau right now. Red Hot Chili Peppers. Vous allez l'entendre partout. Mais la première radio qui vous l'a joué, c'est Virgin Radio. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep at play. So I keep an eye on the shadows, smile to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and go, blow by blow and go away. What do you say? Yeah. You don't know my mind. You don't know my mind. Of a maniac, so I move it in and we unpack. It's the same as yesterday. Anyway, we flow, everything must go away. What do you say? C'est mardi aujourd'hui, le 7 juin. J'espère que tout va bien pour vous, que cette journée a bien démarré. Belle matinée en tout cas. On est là avec vous jusqu'à 9h30. On prend soin de vous, on s'occupe de tout. Partez au travail, montez dans le bus, prenez votre voiture. Et nous, on est là chaque matin à vos côtés avec toute l'équipe, bien sûr. Mais oui, avec nos journalistes aussi qui sont là dans toute la France. Un point sur l'actu, le dernier de la matinée. C'est dans 4 minutes à peine à 9h. Et puis encore plein de choses, 9h20. Un dernier loyer, bien sûr. Et il y a plein de trucs que j'ai trouvé sur internet. Ah, de petites infos croustillantes. Je vous fais découvrir ça dans un instant. Mais avant, je voudrais quand même vous rappeler un truc important. Oui. Mardi 7 juin, dernier jour pour déclarer ses impôts sur internet. Ouais, ça fait peur. On vous avertit par courrier, ne tombez pas dessus, hein. On vous a fait un petit rappel la semaine dernière, et là maintenant même sur internet, ça y est, c'est les derniers jours pour déclarer votre impôt. Si vous habitez notamment dans les départements entre le numéro 50 et le numéro 95. Ouais. Okay. Parce que si vous habitez dans les autres, fallait déjà le faire, je crois. Et c'est déjà trop tard. Ça y est, ça y est, là vraiment il faut y aller, quoi. Oui, Pauline. Moi j'y suis allée et j'ai pleuré. J'avais trop besoin de ma maman. C'est horrible. Ah, mais c'est moi c'est encore ma mère qui le fait. Bah moi, elle voulait plus le faire cette année. Ah, moi, c'est même pas en soutien, c'est vraiment, c'est fait tout. Ah, c'est horrible. Tout ce qui est papier, moi, j'ouvre pas, je donne. Comme... je sais pas ce que c'est, ça me fait peur. Non, mais c'est vrai, non, vraiment, elle fait tout. Mais alors, il y a encore des trucs pareils. Souvent, le bricolage chez moi, genre une poignée qui tombe ou quoi, j'attends que mon père vienne en week-end. Quoi. Ah ouais? Quand mon père il vient en week-end, il a une to-do list, hein, comme on appelle. C'est, il a plein de trucs à réparer chez moi. Bah oui, c'est comme ça. Il y a encore des trucs sur lesquels on a besoin de nos parents, Clément. Moi, tu sais, à 32 ans, pourquoi j'ai besoin de ma mère? C'est pour me rappeler les mariages et les anniversaires. L'été dernier, j'ai oublié le mariage d'une de mes cousines. Tu sais, j'étais invité de. Mais non, mais j'étais invité genre un an à l'avance. Et le week-end même, elle m'a dit: ah, t'es descendu, t'as un costume. J'ai dit bah non, je suis à Paris, je suis complètement oublié. Bah oui, je rappelle pas le mariage. Bah, ma mère hier par exemple m'a rappelé que c'était l'anniversaire de mon oncle Jackie, je l'embrasse, tonton Jackie. Évidemment, tonton Jack, comme on l'appelle. Et bah c'était son anniversaire hier, 27 ans. Bah. Fou, hein. Oui, Laure. Moi, c'est pour prendre rendez-vous chez le médecin. Je n'ai jamais été capable de prendre un seul rendez-vous chez le médecin, j'ai besoin de ma mère. Puis en plus, toi, ton père est dentiste, c'est un confrère de ton père, quoi qu'il arrive. Ouais, mais je sais pas, c'est un truc, quand je suis malade, il me faut ma maman, et surtout, je ne peux pas prendre un rendez-vous chez le médecin, et elle m'y emmène. Oh. Elle t'emmène, carrément. Non, mais vraiment, hein, c'est un truc, je ne peux pas faire ça toute seule, c'est impossible. Qu'est-ce que t'arrives pas à faire toute seule, toi, à la popo? Ben, c'est mon père qui gère encore mon forfait. Je sais pas faire toute seule, et c'est lui qui le paye. Ouais. Non, mon forfait téléphonique. C'est lui qui gère tout et qui le paye. Et surtout, c'est lui qui arrive à m'avoir des points pour avoir des nouveaux portables. Donc, des fois, il me fait surprise, tu vas recevoir un nouveau portable. Ah, il gère les points, carré rouge et tout, là? Tout. Ah, ça, c'est fort. Ouais. Moi, pour garder mon chien aussi l'été. Ah, bah oui. Ah, bah, je pourrais pas sans mes parents. C'est dès que je veux partir, mon chien reste avec eux. Oui, Laure. Moi, quand j'avais mon chien, j'avais une colo pour chien en été. Ouais, j'avais trouvé une colo pour chien. Comment je te donnerai l'adresse. Bah, c'est une colo pour chien en fait. T'amènes ton chien, il est en colo, il y a plein d'activités. C'est génial. Tout l'été. Ouais, c'est super. Ouais. Je te donnerai l'adresse, à quelques kilomètres. C'est sur une aire d'autoroute apparemment. Tu l'attaches à un poteau et apparemment. Plein d'activités. Je le récupère au retour des vacances. Il a un peu maigri, mais. Mais c'est plutôt bien parce qu'il avait pris un peu de poids. Oui, Clément. Et est-ce que tu lui fais un sac avec ses vêtements et son nom dessus? Sac colo. C'est génial. Je ne sais pas, Pauline, c'est le standard. Et quand tu viens le chercher, il ne veut plus partir. Non, il veut plus partir. Il s'est fait des nouveaux copains. Puis il dit aux autres chiens, ils vont s'écrire. On reste en contact, on s'écrit. Tiens, il y a Cédric qui est avec nous au 3916. Bonjour Cédric. Salut tout le monde, salut. Cédric, je peux te poser une question. Alors t'étais peut-être pas là pour ça, mais est-ce qu'il y a un truc que tu es incapable de le faire sans tes parents? Moi j'étais là pour le loyer. Bah en fait c'est une radio. Moi c'est la cuisine. Par exemple quand je fais une raclette, je suis incapable. Tu poses ta casserole avec tes patates sur le truc de raclette. Moi je mets toujours mon couteau dedans, mais je sais jamais si c'est cuit, si c'est pas cuit, si c'est moelleux, si c'est pas moelleux. C'est ma maman qui me dit tout à chaque fois. Moi j'ai un truc pour les pâtes. C'est quoi ? Les pâtes, vous les jetez contre un mur faïence avec carrelage. Si elles restent accrochées, c'est qu'elles sont à vélo. C'est vrai. Après, faut les récupérer. Mais non, une pâte. Vous jetez une pâte, elle reste accrochée, c'est qu'elle elle est bien. Oui, Laure. Moi, pareil, quand je cuisine, j'appelle toujours ma grand-mère, Mamie Sou, pour avoir les doses et tout ça. Sauf que ma grand-mère. Mamie Soul. Mamie Soul. Ah, oh. Oui, Mamie, que... rajoute du coin trop. Toujours que je rajoute du vin blanc, c'est bizarre. Non, mais elle sait pas ce que c'est, les grammes et tout ça. Mais tu mets un petit peu d'huile, tu mets un petit peu de lait, tu mets. Elle sait pas ce que c'est les grammes. Elle dose pas, elle fait à vue d'œil. C'est un petit peu. Mais c'est quoi un petit peu? Bah, oh, tu vois le fond de la casserole. Il y en a jamais assez. Bah, non, mais c'est-à-dire que t'arrives jamais à faire comme elle au final. Alors pourquoi tu l'appelles? Bah, parce que j'ai besoin de soutien, quoi. Ouais. T'as besoin de faire des points carrés rouges pour pouvoir acheter des nouveaux portables. Comme Pauline, oui, Pauline. Mais les grand-mères, c'est toujours ça. Elles te disent de rajouter de l'huile partout. Quoi qu'il arrive. Du coup, c'est bon. Moi, ma grand-mère, par exemple, je mange des sols chez elle, je grossis. Ah, non, parce que c'est cuit et c'est frit. Mais de toute façon, les grand-mères, hein, t'as pu prendre 40 kilos dans l'année, oh, t'as que la peau sur les yeux. Quoi qu'il arrive. Tu n'es jamais trop gros pour une grand-mère. Lisa, est-ce que t'as aussi besoin de tes parents, toi, encore pour certains trucs? Bonjour, ma belle. Salut Camille, salut tout le monde. Salut Lisa. Eh, on aime bien cette voix-là. Salut Lisa. Salut. Et alors, c'est quoi cette petite voix? Tu viens d'où, Lisa? De Lyon. Hein, de Lyon? Bah alors. Alors, on sort un peu à Lyon? Arrête. T'as quel âge? 24 ans. Tu fais un peu la fête à Lyon? Tu vas à l'Apéry Club? Oui. Au First. Tu fais la fête, après tu vas au First? Ouais. Ouais, trop bien. Lisa, alors dis-moi, pourquoi t'as encore besoin de tes parents? Moi, j'ai toujours besoin de ma maman pour avoir un avis sur mes petits copains. Bah ouais. Son ressenti, si elle aime pas, j'y vais pas. Eh oui. Elle vient avec toi en boîte du coup? Elle y a été au tout début, elle m'a accompagnée. Bien sûr, oui, Laure. Moi, si elle aime pas, j'y vais, mais je regrette. Elle a toujours raison, ma mère. C'est-à-dire... Tous les petits copains que j'ai eus, ceux qu'elle aimait pas, ça s'est mal passé. Et le mais seul... c'est allé quand même. Bah, c'est-à-dire que j'y suis allée quand même. Mais le seul qu'elle aime bien de tous mes petits copains depuis mes 12 ans, c'est Juju. Ça elle se passe a bien avec Juju. Validé Juju. Elle a validé? Elle a validé. Genre... Et elle est dure. Donc là, donc tu penses, et à chaque fois qu'elle t'a dit c'est bien. À chaque fois qu'elle m'a dit c'est mal, ça s'est mal passé. Mais est-ce qu'un jour elle t'avait dit c'est bien avant Juju? Non. Eh oui, oui. Non, mais vraiment. Là, ah bah c'est le seul. C'est qu'elle voulait pas que tu prennes ton envol. Ouais, c'est ça. Oui, Pauline au standard. Moi, mon père, il les expédie, mais il y en avait juste un. Il l'aimait bien. Et quand je rentre à Bordeaux, il me fait passer devant sa maison tout le temps. Toujours. Je lui dis, mais t'es horrible, pourquoi tu me fais ça? Les parents, une ex qu'ils aiment bien, je peux te dire. Ils s'en remettent pas. Moi, j'apprends que ma mère, elle envoie encore des textos des fois. Oh, et tout, mais non. C'est pas possible. Non, mais non. Ma mère, un petit peu intrusive. Oh non. Un petit peu. Lisa, ma chérie, je t'embrasse très fort. Bisous aussi à Cédric qui est avec nous et vous tous qui êtes au standard 3916 sur les réseaux sociaux, derrière votre radio. 9h02. Est-ce qu'on se ferait pas le dernier point sur l'actu? Et je vous donne plein d'infos que j'ai trouvées ce matin. Ça va vous permettre de briller à la machine à café. Restez avec nous. Le Virgin Tonic, c'est 6h, 9h30 chaque matin. Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, il y a désormais 15 départements en alerte ce matin. Une vigilance aux orages et aux inondations dans le nord, les Ardennes, le centre ou encore la région parisienne. L'Île-de-France où 3000 foyers restent sans électricité alors que le pic de crue est attendu ce mardi dans l'Essonne. L'incendie d'un immeuble hier soir à Saint-Denis, le bilan est lourd. 5 morts, 2 blessés graves et 9 blessés légers dont 3 pompiers. Un sinistre dont l'origine n'a pas encore été déterminée. 7e jour de grève d'affilée à la SNCF, les cheminots restent mobilisés pour la défense de leurs acquis sociaux. Un projet d'accord sur le temps de travail est désormais sur la table et ouvert à la signature. Le trafic est perturbé aujourd'hui encore. 2 TGV sur 3, 6 TER sur 10. Record battu, plus de 15 millions de contribuables ont télédéclaré leurs revenus cette année, c'est du jamais vu. Si vous ne l'avez pas encore fait, attention, la limite c'est ce soir minuit sur impots.gouv.fr. Une télédéclaration rendue obligatoire cette année pour les revenus supérieurs à 40 000 euros. Les Français consomment moins d'alcool à cause de la crise et du mauvais temps, selon le Crédoc. L'étude dévoilée ce matin dans Le Parisien montre une baisse de fréquentation des bars l'an dernier et une chute de la consommation à domicile. Un nouveau Super Tuesday aujourd'hui aux États-Unis. Donald Trump est quasi assuré d'avoir Hillary Clinton comme adversaire démocrate à la présidentielle de novembre. L'ancienne colocataire de la Maison-Blanche a été déclarée gagnante des primaires par les médias américains. Une explosion ce matin en Turquie. La déflagration s'est produite dans le centre-ville d'Istanbul au passage d'un bus transportant des policiers. Il y aurait plusieurs blessés. French Blue met le cap sur Punta Cana, la nouvelle compagnie aérienne française ouvre une ligne vers la République Dominicaine. 149 euros tout compris, l'aller simple. Premier vol le 10 septembre. Et puis le combat n'est pas terminé, message posté par Netflix hier sur Twitter. La plateforme de vidéo a annoncé l'arrivée prochaine d'une deuxième saison à la série Marseille. Il n'y a pas de date de diffusion pour l'instant. Les basketteurs alsaciens à une victoire du sacre. Strasbourg a surclassé Villeurbanne hier 73-61 lors du deuxième match de la finale Pro A. En menant la série 2-0, les Alsaciens n'ont plus qu'un match à gagner pour être sacrés champions de France. Ce sera peut-être le cas dès jeudi soir. Et puis côté foot, Zlatan Ibrahimovic devrait dire aujourd'hui où il jouera la saison prochaine. Ce devrait être à Manchester United avec un contrat d'un an. Salaire estimé un peu plus d'un million d'euros par mois. À trois jours du coup d'envoi de l'Euro de football, le lancement aujourd'hui de BFM Sport, une nouvelle chaîne info sportive accessible aux 6 millions de foyers abonnés SFR ou numérique câble. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Très bon réveil avec nous. Excellente matinée à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio. C'est mardi aujourd'hui, le 7 juin. J'espère que tout va bien pour vous, que cette journée a bien démarré. Bientôt l'été, les copains. Allez, courage à vous tous qui partez bosser. Tiens, vous allez faire quoi l'équipe cet été, Laure? Corsica. Corsica, Thérise. What elle fait else? Que les ferries, elle fait que aller-retour. Ce qu'elle aime, c'est prendre le ferry, celle-ci. C'est sa passion. Clément, tu vas faire quoi cet été? Moi, je vais, comme tous les étés, boire des coups en Vendée. Et après, je rentrerai un peu en Italie pour... Italie du Nord cette année. Non, il n'est pas du tout italien. Il n'a rien à voir. Non, mais j'ai des amis italiens, donc je rentre chez eux et je fais comme si j'étais chez moi à Vérone. Ouais. Ça s'appelle du homejacking. Tu fais attention. Pauline du Standard, qu'est-ce qu'elle fait cet été? Moi, je vais faire les festivals avec Virgin Radio. Ah oui, c'est vrai qu'elle a été un peu rock'n'roll. Ouais, ça va être cool. Popo du Standard, elle va courir parce que vous savez, Virgin Radio, et on est très fiers de ça. On est la radio officielle des festivals, on est partout. Ouais, partout, tous c'est les grands. J'ai toujours envie de dire festivaux, il faut pas. Tous les grands festivaux. Les festoches, ouais, on va dire festoches. Voilà. Tous les festoches, c'est avec Virgin Radio. Tiens, on va te faire un petit sondage. Ok. On va te donner le nom d'un festival, va falloir que tu nous dises dans quelle ville c'est. Ah, super. Par exemple, on est partenaire du Main Square Festival, c'est où? À Arras. C'est dans le Nord. Citadelle d'Arras, magnifique. On est partenaire du festival Garo Rock. Ouais, Marmande, évidemment. Marmande Altaï, bien sûr, la Starac. On est partenaire des plages électroniques. Qui sera aussi, c'est où? Il y a Lisbonne, mais ça, je ne l'ai fait pas. Je suis très triste. Et il y a Cannes. C'est à Cannes. Bonne réponse. On est partenaire du Sziget Festival. C'est en Hongrie. Budapest. Wow. Budapest. Ouais. Bah dis donc, elle va barouder. Hein. Mais tu es allé partout? Ouais, j'en fais la plupart. Ouais. Oh là là là là. On est partenaire du Big Festival, le 9 juillet au 17 juillet. À Biarritz. À Biarritz, ok. Oh, on est partenaire des Vieilles Charrues. Les Vieilles Charrues. Oh là, j'ai un bug. Ah mince. Carême. C'est à Carré. C'est à Carré. Ah mince, mais oui. Carré. Ouais. Bien sûr. On passe un mariage. Non. Et partenaire de Musilac. Musilac, c'est à côté de chez moi aussi. Ah, je sais, je crois. Bah, c'est où, Laure? C'est à Aix. Chez Nico. C'est à Aix. Ouais. À Aix, les bains. Oui, c'est Aix, les bains. Ouais. Aix est pas mal, hein? Ouais. Ah ouais? Bah, je travaille, hein? Ah, bah là, ça va bosser, elle va en faire des miles. Il y a des festoches quand même bizarres dans le monde entier, je vous le dis. Oui. Est-ce que vous saviez qu'il existe le festival de l'ail? De l'ail à qui se mange? de l'ail. Alors c'est à Gilroy en Californie. Okay. C'est que des plats à base d'ail et des chansons qui rendent hommage à l'ail. Ah, c'est magnifique. C'est énorme. Il faut y aller. Genre Highway to Hell. Everything I do. Everything I do. Okay. I do it for you. Et chic, chic, chic. C'est le plus bien du festival. I do repeal in Ibiza. Oui, Pauline. En tout cas, c'est pas le festival de la galoche. Je pense que c'est pas là que tu rencontres quelqu'un. Ah, mais c'est vrai, mais tu veux pas rouler de pelle. Ah, bah non. Ah, bah si. Non. Mais enfin, il faut. En Californie, le festival de l'ice, c'est quand même un truc de dingue. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Le festival d'Ivrea en Italie. C'est 10 000 participants pour une énorme bataille d'orange. À la fin, on compte que des yeux au beurre noir et des nez cassés. C'est une immense bataille et on se jette des oranges à la tête. Ah, c'est horrible. Ah bah, okay. C'est pire qu'un truc de biker, quoi. Il va pas sur celui-là. Eh ben non, j'y vais pas. Est-ce que tu iras à Rhin en Louisiane? Non. À Rain, d'ailleurs. J'aimerais bien. 50 000 participants. Ouais. Et le moment fort du festival, c'est un 100 mètres de grenouilles. C'est le festival de la grenouille. Et donc il y a un 100 mètres avec des grenouilles, c'est sympa. Excellent. Bah ouais. Mais est-ce que les mecs font des réunions pour organiser ça ou pas? Comment tu décides de faire ça? Mais je sais pas, en tout cas ça s'est organisé tous les ans, oui ma Pauline. Il faut par contre faire le festival les yeux fermés. Parce qu'il paraît que si ça te fait pipi. Ah non, c'est les crapauds dans l'œil. C'est que ça te rend aveugle. Comment ça? Bah c'est pas un mythe, hein. Moi j'ai vérifié ça. Si les crapauds te font pipi dans l'œil, c'est leur truc de défense. Ça fait une sorte d'acide. D'accord. Qui te brûle. Est-ce qu'on peut savoir comment t'as vérifié ça? J'ai testé sur des gens que j'aimais pas. Non, je te jure, j'ai parlé avec des chasseurs dans le village où va mon père. Ils chassent des crapauds, les fameux chasseurs de crapauds, bien sûr, qui sont énormes. Non, ils chassent des faisans. Mais en tout cas, voilà, ils m'ont dit ce truc-là. Ils m'ont dit c'est vérifié, c'est hyper dangereux, faut faire très attention. Ah bon? Moi, je prends pas une seconde. C'est bizarre, les crapauds. Et en revanche, une souris, c'est que si vous la trempez dans l'huile et puis vous la trempez dans l'eau, ça fait un escargot tout chaud. Petite info, ça, hein, c'est important. Si vous allez sciences nat bientôt au bac, hein. Oui, Laure. Moi, j'ai un copain qui les sauve, les grenouilles. Parce que tu sais, je sais plus à quelle saison elles migrent ou je sais pas quoi, et elles traversent les routes et elles sont écrasées. Sûr, ouais. Moi, j'ai un copain qui les sauve. Moi, j'ai c'est-à-dire un copain qui les mange. Il y va. C'est-à-dire? Il y va, il les aide à traverser. Oh, c'est trop mignon. Mais il fait ça tous les ans. Il se met au bord de l'autoroute, il les aide à traverser. Nico, il le connaît. C'est un copain qu'on a en commun. Oui, c'est vrai. Et en fait, il les prend d'un côté de la route et il les met dans un sac et il les pose de l'autre côté de la route. Mais c'est hyper sérieux, hein. Ah ouais, en vrai. Ah oui. Non, mais en vrai. Ah ouais, en vrai, c'est un sauveur de grenouilles. Mais il fait ça en dehors de son travail? Ah bah oui. Il doit bien se marrer. C'est bizarre. En quelqu'un qui doit être heureux à la maison, en tout cas. C'est sûr, je ne le connais pas moi, mais alors vraiment, il doit avoir une belle vie perso. Le festival de São João au Portugal. Pendant 5 jours, les gens se draguent à coups de marteau. Mais tout ce que je vous dis est vrai. Hein. Ouais. Tout le monde a droit à un gros marteau en mousse et doit taper sur la tête de celui ou celle qu'il drague. Ah, c'est un peu version pierre à feu, quoi. Okay. Il est en mousse, hein, le marteau. Hein. Ouais, mais. Pourquoi pas, quoi? Oh, bah, excusez-nous, c'est pas Musilac, enfin. Excusez-nous, toi qui voulais aller au Portugal, c'est un très beau festival. Oui, Laure. Ça me rappelle un jeu que j'avais quand j'étais petite où il fallait avec un marteau taper sur la tête des trucs et les faire rentrer. C'est quoi ce jeu? Je sais plus. Sûr, on n'a jamais su le nom, mais ça existe. Mais c'est des taupes. Il fallait les taper dessus. Ouais, c'est des petits hippos qui sortaient. Oui, ouais, c'est ça. Taupes. Hein? Des taupes. Des taupes, je crois. Des taupes, ah, je sais plus. C'était quoi ce jeu? Ouais. Il n'y a pas de nom, je crois, mais ça existe encore. Oh, il n'y a pas de nom, bah, c'est facile de s'en sortir. Monsieur, j'ai pas d'infos. Il n'y a pas de nom, je crois. Non. Comment s'appelle ce truc qui permet de capter la télé là qu'on met sur notre balcon, vous savez? Non, ça n'a pas de nom, je crois. Parabole? Non, je crois que ça n'a pas de nom. Non, mais je t'aurais dit le taper sort, c'est pareil. Ouais. Comment s'appelle le truc là? Vous savez, vous rentrez chez vous, vous poussez et que quand vous partez, vous pouvez le fermer à clé, comme ça, moi, les gens rentrent pas chez vous. Ça n'a pas de nom, je crois. Une porte? Non, ça n'a pas de nom. Non, on n'a pas pensé à lui donner un nom. Ça s'appelle comment, Robin, notre réalisateur? Le chasse-top. Bah oui. Le chasse-top. Ah, quand même, je voudrais préciser, Robin, notre réalisateur, c'est-à-dire qui gère toute l'émission. Nico, on sait même pas ce qu'il fait dans le studio. Nico du bureau, c'est-à-dire qu'il est censé être dans le bureau. Ginger est censé être sur les réseaux sociaux. Personne ne cherche sauf Robin. Parce qu'on n'a pas d'accès à internet aussi. Je suis en Edge. Excuse-moi de chercher une info en Edge sur mon téléphone. Oh, alors. Qu'est-ce qu'il y a, Ginger? J'ai même l'image, hein, si tu veux. Merci, c'était il y a un quart d'heure. Merci à toi, ma chérie. Oui, Robin. Moi, j'aime mieux, j'ai la pub. Ouais, d'accord. Oh, comment il vous bastonne! Alors, vas-y, Robin, on met la pub. Avec Chasse-Touf, ça fignote, tu tapes, tu marques des points et c'est gagné. Ah! Chasse-Touf devant l'ail, je t'adresse par l'encontre. C'est tout. Merci. Ouais. Je voudrais embrasser Ginger qui vient de me dire j'ai une info sur le festival de l'ail. On en parlait il y a 20 minutes, elle vient de tomber là, elle vient de la trouver là, Ginger. Reste avec nous sur Virgin Radio, 9h13, Imani, Don't Be So Shy, voilà ce qu'on écoute tout de suite, excellent réveil. Tonique.

19h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Excellente matinée à vous tous. Et oui, vous êtes sur Virgin Radio, mardi 7 juin. Aujourd'hui, on est avec vous encore un bon moment. On vous lâche jamais, vous le savez. On dit qu'on est là jusqu'à 9h30, mais je crois qu'on n'est jamais parti avant 9h40 de ce studio. On est très heureux d'être là avec vous, à vos côtés chaque matin. Je vous souhaite un bon courage. Vous qui ouvrez les yeux, vous qui avez déjà démarré cette journée depuis bien longtemps, je le sais. Et pour vous donner le sourire, pour bien démarrer ce mois de juin, pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté avant cet été, eh bien, on vous paye votre loyer toutes les heures. 6h20, on l'a payé à Charlotte. Oui. 7h20, on l'a payé à Rosé Pasqua. Si. Oui, pardon. Ne me dites pas non quand j'ai raison. Déjà, ne me dites pas non quand j'ai tort. Alors, quand j'ai raison, vraiment, viens pas me chercher. Bon. Et 8h20, il y a une heure, malheureusement, Véronique, elle n'a pas décroché. C'est parti, dernier tirage au sort de la matinée, c'est maintenant. C'est en direct, c'est en exclu sur Virgin Radio. 2 400 € de loyer déjà offert. Ah là, et je voudrais pas faire 50-50, je veux un gagnant là. Mm-hmm. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Romain. Romain, comment vas-tu? Très bien. Romain, tu habites où? J'habite à Lyon. Tu vas à la Périclub? Non, prévu. Non, parce que tout à l'heure, on avait une auditrice tellement mignonne de Lyon déjà. Et c'est vrai que je connais à Lyon à peu près la Périclub. Le quartier Saint-Georges. La place des Jacobins, et voilà. Place des Jacobins. Je connais Lyon-Pardieu. Hein? Ouais. Lyon. Comment? Le Vieux Lyon. Le Vieux Lyon, évidemment. Le Vieux Lyon. Je connais plus la région lyonnaise, moi. Ouais. Pour des raisons personnelles. Saint-Laurent de Chamoussé. Ah. Sainte-Foy-l'Argentière. Charbonnière. Tardy. Voilà, ça c'est mes coins, ça. Oui, Clément. Tu te rends compte qu'on connaît quand même plus les boîtes que les monuments. Ouais. Un vrai souci. Tu me disais quoi, mon Romain? Comment? Tu me disais quoi? Rien. C'est perdu alors, hein. Fourvière. Vous écoutez. Bah oui, Fourvière. Romain, mon bichon, quelle est la seule radio qui te prend la tête à parler de tous les patelins autour de chez toi, alors que tu t'en fous complètement, mais qui quand même te paye ton loyer, donc c'est pas dégueu. Bah, c'est Virgin Radio. Ouais, bah, ça fait plaisir, c'est un peu blessant, mais ça fait plaisir. Romain, t'as un loyer de combien? 670 €. Et ben on va te faire le chèque dès cet après-midi. Tu ne paieras pas de loyer au mois de juin. Merci beaucoup. Tu fais quoi dans la vie, Romain? Je travaille dans le textile promotionnel. Dans le textile professionnel? Promotionnel. Ouais. Non. Promotionnel et professionnel, c'est là. Les deux. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ah? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas te garder à l'atelier. Tu respectes pas les règles. Mais je te prends comme vendeur dès demain. Pardon, un extrait évidemment magnifiquement interprété de la vérité. Si je m'en... J'ai fermé les yeux, j'ai cru vraiment qu'il y avait le film qui passait quelque part. Mais t'as pas de zip. Je peux pas te garder à l'atelier. Tu respectes pas les règles. Romain, mon bichon, bon, 670 € c'est gagné. Ce qui veut dire que ce matin, ah, vraiment. Eu quelques petits euros près, on a offert 3 000 € de loyer ce matin. Encore, je te fais plein de bisous, Romain. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous. Merci. Eh ben, t'es un amour. Merci à toi. Merci à toi, mon poteau, de nous écouter chaque matin. Merci à vous tous d'être là, vraiment. Et désolé pour tous ceux qui ont tenté la chance, qui n'ont pas eu la chance de, ce matin d'être tirés au sort. Rassurez-vous. Retour du loyer quand? Ben, demain, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Mais on n'est pas parti. Pierre-Alex est dans les starting blocks. Bonjour, il va vous amis. Accompagner jusqu'à midi. Mais Pierre-Alex, avant, qu'est-ce qui va se passer? On va chanter. On va chanter. On va danser. On va se mettre nu. On va foutre une ambiance de dingue. C'est sur Virgin Radio. C'est ta chance, rien qu'à toi. Allez, oui, youpi, c'est ta chanson, rien qu'à toi, oh, rien qu'à toi. Sur Facebook, vous inscrivez, on vous rappelle, vous nous racontez toute votre vie et on crée une chanson en quelques secondes à peine grâce à Nico Bou, notre musicien de génie qui est là chaque matin. Et c'est Vincent qu'on va écouter au 39-16. Salut Vincent. Salut Camille, tout le monde. Salut. Juste avant de commencer, si vous pouvez garder vos vêtements, ça m'irait moi. J'ai commencé à mettre tout nu. Faut peut-être pas déconner non plus. Ah, ne t'inquiète pas. Voilà quoi. On vous imposera pas ça. On ne vous imposera pas ça. Bon, Vincent, dis-moi tout, tu viens d'où? Alors, je viens de l'Allier. J'habite à côté de Vichy. Ah, la Périclub. Le pastille, le first. C'est plutôt le fou du roi. Ah oui, ah, ouais, bien sûr. Le fou du roi, très bien. Et donc, tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis commercial. Je vends des machines agricoles. D'accord. Des tracteurs, des moissonneuses batteuses. Professionnel. T'es sur du Husqvarna? Du Husqvarna, c'est plutôt des tronçonneuses, mais je suis un peu plus gros. Camille. Raté. Ok, très bien. Non, c'est quoi, du Massé Ferguson? Ouais. C'est ça. Waouh! Ah bah dis donc! Et alors, mon grand-père est agriculteur. Ah. Il y a eu Massé Ferguson et tout. Hein. Tu t'y connais? Ouais, tu connais le milieu alors? Bah, je connais un petit peu, ouais, je connais un petit peu le milieu de la subvention. Tu touches ta bille, quoi. Bah, ouais, bah évidemment. Mon petit Vincent, alors est-ce que t'es marié? Non, je suis célibataire. Bah, faut faire l'amour et dans le pré, mon pote. Bien sûr! Que c'est pour les paysans, c'est pas pour les vendeurs. Ça marche, c'est le même milieu. Attendez, on est tous les mêmes, pareil. Vous croyez quoi? C'est pareil. On vient tous de la même terre, hein. C'est ça. Bah, bien sûr. Donc, t'es pas marié, t'es célibataire? Je suis célibataire. Célibataire sans enfant, Dieu me préserve. Est-ce que tu te rends pas compte on a, on a le droit d'avoir envie d'enfant, hein. Mais bien sûr, mais enfin de là. À 22 ans, non, pas spécialement. T'as le temps, mon pote, de faire la fête à la Périclub. Profite un peu. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur toi? Vas-y, dis-nous tout ce que tu veux. Alors, j'ai un chien qui s'appelle Bob. Qui s'appelle Marley, pardon, comme Bob. Marley comme Bob, d'accord. Voilà. Je fais du rugby. Ah, c'est bien ça. Je suis supporter de l'ASM, donc Clermont. Clermont-Ferrand, voilà. J'adore. Si j'ai une équipe de rugby préférée, c'est celle-ci. J'adore Clermont-Ferrand. Morgan Parra, il joue toujours? Il joue toujours. Il est formidable. Devine mes titulaires, toujours. C'est incroyable. Bah, Morgan Parra, parce que même si c'est pas le poste où tu prends le plus de choses, c'est vrai que quand tu le vois, moi, c'est un joueur que je connais pas grand chose en rugby, mais je l'adore. Mais c'est vrai qu'il a une tête de conseiller au Crédit Agricole et il se retrouve sur un terrain de rugby face à des gars. C'est des montagnes et il est là, quoi. Bah, il joue en costume en plus. Ah ouais. En plus, il joue en costume. Il est incroyable, ce garçon. Quoi d'autre, Vincent? Alors, j'embrasse ma sœur Marion qui doit nous écouter, qui se marie le 9 juillet. D'accord, donc, très bien. Dans un mois. Sinon, que dire? Je mange un peu de tout, mais surtout des plats à base de viande, parce que je pense qu'avec un bon petit pinard, ça, tout passe. Ah, ça, c'est le rugby. On aime ça. C'est le rugby. Mais évidemment. C'est les valeurs de l'Ovalie. C'est les valeurs de l'Ovalie, la terre de nos ancêtres, bien sûr, celle qui nous a vu grandir. Que dire de plus? En musique, j'adore une qui s'appelle Riptide. Riptide. De Vince Joy. J'ai pas compris, t'as dit quoi? En série? En musique. Riptide. Mais c'était ma série préférée. Mais non, mais tu parles d'une série télé? Non, d'une chanson. Ah, c'est... c'est quoi? On l'a, c'est quoi Riptide? Ouais. Oh, génial! C'est nouveau ça? Non, c'est Vince Joy. C'est vieux. Ça a combien de temps? Oh, je sais pas, 2012, 2013, ouais. Deux ans? Bah, je suis passé à côté. je suis un peu passé à côté, oui, Clément. Bah, apparemment, cette chanson est la série préférée de Laure. Vous connaissiez pas cette série? C'est Riptide avec l'hélicoptère qui avait une bouche dessinée devant. Ouais. On connaît ça. Ouais. T'inquiète pas, ma grande, t'as frappé à la bonne porte. Murray Bozinski. Ah ouais, connais les noms des gars, quand même. Ouais. C'était génial. Bon, Vincent, on a plein d'infos. On va y aller, on va chanter parce que rapport au fait qu'il est 11h. Allez. Il faut y aller maintenant. C'est parti, les amis. On est en direct sur Virgin Radio. Ta chanson, rien qu'à toi. C'est parti. Ah, pardon. Je calais l'intro, mais là, non. Hey, qui c'est qu'à 22 ans? C'est Vincent. C'est qui est bon vivant? C'est Vincent. Qui c'est qui préfère qu'on garde nos vêtements? C'est Vincent. Qui c'est qui est sans enfant, Dieu le préserve? C'est Vincent. Il est commercial, te vend des étoiles, enfin surtout des machines agricoles. Il vit dans l'Allier, où y'a pas d'apériclub, et son chien s'appelle Marley comme Bob. Qui c'est notre rugbyman? C'est Vincent. Qui c'est qui supporte Clermont-Ferrand? C'est Vincent. Qui c'est notre pote maintenant? Vincent. Qui c'est qui est célib pour vous? C'est Clément. Ça marchait aussi, ouais. Alors, on fait un bisou à ta sœur Marion, qui va se marier le 9 juillet. Félicitations! La chance! Et notre Vincent, lui, il se laisse pas aller, surtout quand il s'agit de petits collets, de bien manger, même si la vie est contre pour la santé. Faut les placer. Qui c'est qui aime la viande? C'est vraiment. C'est qui aime Riptide mais pas la série? C'est Vincent. C'est qui fait de la muscu? retrouver dans une minute. C'est Vincent. Qu'est-ce qui a eu sa chanson ce matin? C'est Vincent. Vincent, félicitations. Oui. T'as vu en combien de temps t'as écrit un tube? Oh mais c'est l'art. T'es très très fort. Et merci mon poteau d'être avec nous le matin. Merci Vincent, merci à vous tous. Bravo à Nicobou, bravo à toute l'équipe qui a chanté ce matin. Pierre-Alex, c'est parti, ça va être à toi. Le temps de rappeler que demain, on est de retour bien sûr sur Virgin Radio avec une émission spéciale, le Kids Tonic. Ouais. Demain matin, dès 6h, on sera en direct sur Virgin Radio comme tous les matins, mais en direct entouré de 50 enfants. Oh, trop bien. On a redécoré entièrement un studio en public. On a décoré, c'est la grande récré, c'est Toys R Us. Hein, le studio, les enfants, vous allez passer une matinée géniale. Si vous n'avez pas pu être avec nous en vous inscrivant, on n'avait que 50 places. Si vous n'avez pas pu être avec nous, rassurez-vous, tout sera à suivre sur Facebook. Oui, okay. Facebook. On filmera tout. Vous serez avec nous dans les studios. C'est comme si vous serez à l'émission. Vraiment, on vous a préparé plein de surprises. Je suis sûr que l'émission de demain, elle va être canon, les amis. On va s'éclater. Ils participeront à tous les enfants avec nous. Ça va être très très bien. On aura quand même le loyer, rassurez-vous, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 qu'on vous offrira bien sûr. Pierre-Alex, t'es sur quoi toi jusqu'à midi là, mon? Alors jusqu'à midi, ça va être électrochoc, les amis. Bon, déjà vous avez rendez-vous avec les plus grandes stars pop rock électro toute la matinée. Puis électrochoc, 23 juin à Lyon, ça approche. Les plus grandes stars électro seront là. Il y aura Synapson. Vous entendez le tout nouveau Synapson? Il y aura également Flume, Cassius. C'est à la Périclub, je crois. C'est ça. Et la Périclub, on plaisante depuis ce matin à 8h avec eux. Si on y va cet été, ils pourront nous mettre un coup à boire. La pub qu'on leur a fait à la Périclub. Voilà, tous les artistes électro que vous aimez. Donc c'est le 23. C'est à Lyon en plus, juin. Mais je suis bien. Oui. Bah maintenant, moi, on connaît tous les quartiers de Lyon. Merci. C'est bien. C'est à Altony Gardier. Et 12 000 places. 12 000, mais pas des places qu'on vous vend et que gratos. Remplit. Bah 12 000 invitations. Que des gens qui seront là gratuitement, invité par Virgin Radio pour la plus grande soirée électro de l'année. On vous en a organisé dans toutes les villes, mais là vraiment c'est la plus grande. 12 000 personnes, c'est exceptionnel. Ça va être dingue. Il n'y a pas d'autre mot. C'est qui ça? Cassius, on adore. C'est trop bien. Ah, tu te dis quand même que Cassius, pour leur retour, ils ont choisi Electrochoc et Virgin Radio. C'est, oh là, c'est quand même la classe. Ça va être un truc de dingue. Ouais. Ça va être un truc de dingue. Qui anime la soirée? C'est qui anime? Ah, Fredo, c'est moi. Ah bah, c'est toi. C'est Morgane. Morgane qui animera la soirée et ça sera retransmis évidemment en direct sur Virgin Radio. On peut pas y être, nous, l'équipe? Pourquoi? Eh non, mais on a touché pas à mon poste. C'est un vendredi soir. Jeudi soir, 23 jeudi. Ça va? Il est au courant. Ça se passe bien, toi? Ah, mais non, mais tu pourras venir. Ça va être difficile, ouais. Laure. Avec la technologie, tu peux pas faire tes PMP en visioconférence? Oh, ouais, bah ouais. Tu peux pas faire ta chronique en direct de la scène de... Excuse-moi, mais c'est quand même un concept. Ouais, mais ça va être sympa pour les gens dans la scène. Ils sont venus voir Cassius et de me refaire une chronique. Tu l'as fait de ton côté? Je l'ai fait de mon côté, bah, bien sûr. À la Périclub. À la Périclub. Les amis, c'est une grande boîte à Lyon, hein, si vous connaissez pas. Et comment vous dire, à l'entrée, il y a une statue de Sidney Govou, hein, forcément. C'est pas une statue, c'est lui. Il a fait les belles années de la Périclub, hein, celui-là. D'après moi, je suis pas lyonnais, mais c'est un joueur de foot, oui, en fait, mais qui a eu une vie quand même en dehors du terrain assez fournie, quoi. Ah, d'accord. Il aimait la fête, il aimait la vie. Est-ce qu'on lui en veut pour ça? Évidemment. Pierre-Alex, tu vas démarrer un jour? C'est parti. Bah, tiens, justement, on va écouter l'une des stars d'Electrochoc, Môme. Ah, instant. Génial. Il est en train de cartonner en ce moment, c'est si vous l'avez découvert, Môme avec Aloha. J'adore. Ah ouais. Ça va être très bien. Pierre-Alex, jusqu'à midi, nous on vous retrouve demain 6h en direct avec tous les enfants en studio. Ce sera le Kids Tonic, émission exceptionnelle qui n'existera qu'une fois. On compte sur vous. À demain tout le monde. Salut, ciao. Are you ready? 8 jours de live. Plus de 30 artistes internationaux. Jamais un festival n'a aussi bien porté son nom. Le Big Festival. Du 9 au 17 juillet, Biarritz accueille les plus grands artistes de Virgin Radio. Pharrell Williams. Synapson. Môme. Club Cheval. Au signal, envoyez Virgin Radio suivi de vos coordonnées au 7-12-13 et gagnez votre séjour à Biarritz pour assister au Big Festival. Best one. Les meilleurs festivals sont forcément des festivals Virgin Radio. C'est

récupérer sa participation, se rendre compte qu'elle n'était pas chez elle, rejoindre Sophie au café, retrouver Paul qui n'a pas la monnaie. C'était la galère. Aujourd'hui, il y a le potcommun.fr. Participez en un clic et faites grimper la cagnotte. Simple, rapide, efficace. Le pot commun, le site pour les dépenses entre amis. Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Tu vois, Antoine, nous au rugby, le ballon, on le sublime. Le ballon, on le prend en main, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Et parfois même, on le transforme. Bah nous au foot, tu vois, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Le championnat d'Europe, ça match avec Sport 2000. Jusqu'au 19 juin, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€ seulement. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Virgin Radio. Virgin Radio. Bientôt dans votre playlist. Déjà sur Virgin Radio. Kissy Lambist. Le nouveau Milo. Le nouveau Jesslyn. Hyphen Hyphen. Virgin Radio. Pop, rock, électro. Virgin Radio, let's go. Virgin. Maintenant, 40 minutes. Pop, rock, électro. Non-stop. Virgin. Virgin Radio. You were the shadow.